tout le monde à ce 48e épisode Yes. De l'Horreur Gamer Show, un show vraiment spécial aujourd'hui. D'ailleurs, pour commencer, à part Pierre, tout le monde y est. J'ai tout d'abord à ma droite mon bras droit, ma jambe gauche et ma deuxième molaire gauche, JF Tremblay. Hello! Salut JF. Mettons que c'est un site pour le site, il a été... Une chance qu'il était là, parce qu'il n'y aurait pas de site encore pour ceux qui ont vu le nouveau site. On a un site papier, je pense. Oui. Écoute, puis s'il y en a qui ont à se plaindre, ils pourront le faire. Mais on ne les écoute pas. C'est ça. Et sinon, ben, c'est Steven qui reçoit les plaintes. Oui, c'est ça. Ah, OK. Parlant de Steven, le gars qui achète plus vite que son ombre. Salut, Steven! Trop bon. Écoute, j'achète juste 5 films par jour, c'est pas si pire. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je dis. Tu deals combien par semaine, Steven? En grammes, là, mettons. Combien? Tu deals combien de drogue là, par semaine, Steven, pour te payer tout ça? Non, j'ai pas le droit de le dire, voyons donc. Okay, c'est bon. Je fais le trottoir. Ah, ouais. C'est le truc. C'est ça. Puis, on a, vous l'avez entendu, celle qui aime les chiens plus que Stephen King, on a Vicky. Ben oui, je suis là. Allô? Il a créé une tollée avec sa critique de Cujo. je pense qu'il y en a, on a décelé d'autres rires parmi ceux qui ont un micro aujourd'hui, parce que on n'est pas seul. On a deux invités avec nous. Deux! C'est quand même assez malade. Et c'est deux que vous connaissez sûrement parce qu'ils viennent de la gang d'Horreur Web. J'ai tout d'abord l'homme dont à qui aucune joke de pénis n'échappe, Monsieur Dominique Paulus. Graine! Oh, OK, c'est beau. Salut! C'est ton test de micro, ça? C'est ça, exactement. Comment vas-tu, Monsieur Paulus? Ben, ça va bien. Écoute, comment ça ne peut ne pas aller quand je suis sur votre show? Toujours une expérience aussi agréable. Je l'ai faite une fois, j'ai trippé, fait que je me suis dit, il faut que je le refasse. Puis, ben, c'est ça, là. C'est ma deuxième fois, là. On est rendu au point où est-ce que on va au restaurant, puis on se regarde dans les yeux, en se minouchant, puis en se frottant les pieds en dessous de la table. Là. Il y a encore beaucoup de chimie entre nous deux, là. On se désire encore. On n'a même pas besoin de se parler pour avoir du plaisir. Exactement. On se fait toujours regarder, puis comme... Donc, quel impayable, Sébastien. Et on se garde le meilleur pour la fin. Celui qui peut vous parler pendant 25 minutes dans un film dont vous vous calissiez, mais qui par la suite, vous allez directement sur Amazon pour l'acheter. Monsieur Sylvain Demanti! Des fleurs dans le... Enfin, là, ça me blague. Des fleurs dans mon visage? Non, mais pour vrai, là, tu vas m'avouer que tu l'as acheté, le DVD, parce que sinon, ton compliment, il vaut de la chenoute, là. Ben, il est dans ma wishlist. Pour vrai? OK. Oui. Sylvain, ouais, je l'ai acheté. J'attends une baisse de prix ou quelque chose, là, parce que mettons que j'avais pas les moyens de m'acheter un film quand j'ai regardé ce journée-là. OK. Mais je veux vraiment le voir. La planète YouTube veut le voir au complet. Puis il y a rien qu'une personne qui a pas compris, puis c'est la personne qui s'occupe du marketing chez... C'est quelle compagnie qui a distribué? En fait, c'est A&E qui est propriétaire de Lifetime. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est ça, parce que pour ceux qui savent, Sylvain a une web télé un peu comme la mienne, qui est le 7e démenti, puis t'as fait un épisode sur les fleurs... The Flowers in the Attics? Je pensais que t'allais dire les fleurs dans le tapis. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai fait comme c'est pas ça pantoute, là. Mais A&E se sont enfargés dans les fleurs du tapis en te bannissant ta vidéo sur YouTube. Mm-hmm. Puis c'est quoi que t'as fait finalement comme changement pour que ça marche? J'ai raccourci les extraits au maximum, puis j'ai enlevé quelques scènes. Donc maintenant, la mécanique de YouTube l'a pas retrouvée. On peut encore la voir, là. Parce ouais, elle est de je ne pouvais plus l'écouter. Fait que je ne l'ai pas écouté. Puis là, je pensais que je ne pouvais plus l'écouter. Que j'avais de la peine. Ouais. Mais non, mais ça, c'est régulier dans ma vie. Mais. Tu as déjoué des internets. Voilà. Yeah. Mais c'est fun, pareil, de se dire que le gars, il est chez eux dans sa compagnie. Puis comme, quoi, quelqu'un, ça doit me faire de l'argent? Hérésie! Mais c'est parle en vieille de mon film! Non, mais c'est plus compliqué que ça, là. Ça, oh, c'est oui. vraiment juste... c'est YouTube n'est pas régi par des gens qui regardent toutes les vidéos. Non. C'est régi par des machines qui captent les extraits trop longs de films. Ouais. je dirais que c'est la même chose avec Fun de regarder des films, mais moi, à date, j'ai juste eu des avertissements, rien qui a été enlevé. J'imagine que tu en avais déjà eu, anyway, des avertissements. Mais je l'ai contesté, puis je l'avais eu. Puis c'est ça que j'ai fait avec Flowers in the Attic la première fois. Je l'avais contesté, mais ils me l'ont juste enlevé. Mais tu vois, moi, j'ai je sais plus c'est laquelle, là, mais je sais que j'ai un épisode qui est impossible d'être vu en Allemagne. Alors, c'est... c'est... Ah oui, c'est le fameux film allemand là, que tu as critiqué. Oui, c'est ça. Quand tu dis « Hi Hitler » dans un podcast, ça marche pas. Ça passe pas en Allemagne. Faut pas dire « Hi Hitler ». Ça, JF. Quoi? Tu as coupé le bout quand tu as dit « Hi Hitler ». Non, aussi. Non. Non, mais tu comprends pas, JF. Parce que si on continue à dire « Hi Hitler », on pourra plus être passé en Allemagne. Si. Arrêtez de dire « Hi Hitler ». Ça marche plus, là. Mais là, on l'a dit tellement de fois que soit c'est soit on l'enlève complètement, puis on recommence le podcast du début, soit c'est notre titre d'épisode. Ça va être notre titre. Je sais pas, je pense qu'on arrête là. T'es pas game? Parce que j'aimerais ça qu'il n'y ait pas des bottes à rien qui me pognent ou quelque chose comme ça. Moi, ce que je retiens de toute cette histoire-là, c'est que Sylvain a déjoué le programme de YouTube, là, puis grâce à lui, on va voir Skynet. Là. T'as le programme de YouTube, puis comme « Ah ouais, Sylvain, tu m'as cassé les dents, ben je vais former Skynet, puis moi, tout vous éradiquer. » Ou on peut l'enlever au montage aussi. Je comprends Skynet depuis cette année. Je savais pas pourquoi. Fait que surveille pour un robot tout nu, musclé, qui va venir te voir, Sylvain. Hein. Inquiète-toi pas, moi pis Sylvain, on va y trouver les tout nus. D'accord. Ouais. Mais j'ai coupé Steven. Ça valait-tu la peine d'être coupé, Steven? Non. Oh. Bon, hey, de quoi qu'on jaserait bien? Non, sérieusement, on va faire un petit tour vite là, avant de commencer notre épisode. Comme on l'a dit tantôt, le site web est revenu en ligne, ainsi que notre fil iTunes. Yeah! Alors, dès maintenant, on prend une pause. Vous allez sur iTunes, vous réabonnez à notre podcast. Vous mettez 5 étoiles et un commentaire pour qu'on vienne en top de liste de tous les podcasts du Québec. Et on l'a jamais été. Je sais pas. Ah non, c'est avec Fun Jouer Jeu qu'on était hot. Ah, ok, c'est ça. Donc, mais non, c'est ça. Réabonnez-vous à notre fil iTunes, c'est toujours la meilleure façon. Sinon, on a toujours le fil RSS avec vos applications sur vos cellulaires et tout ça, Android, Podcast Addict et ces applications-là. Toujours cool pour suivre nos épisodes au fur et à mesure qu'ils sortent. Tous nos épisodes sont pas disponibles, il manque les 12 premiers, mais on a encore l'épisode avec Dominique Paulus. Fait que, ouais, c'est ça. C'est une meilleure, très bonne chose. Ça, on est correct. Pour le reste. Oh oui, on a correction de lui. Les 12 premiers peuvent bien aller chez Liab. Ben, ça va, on peut même les 47 euros d'avant. Là. Mais de toute façon, écoute, les 12 premiers, j'étais pas là, Steven n'était pas là, Jean-François n'était pas là, Vicky n'était pas là. Donc, il y avait Pierre, mais qui se rappelle de Pierre? Ben, écoute, personne n'est même pas là ce soir, personne n'est invité. Non, on l'a pas invité. On a oublié. Il me semble qu'on oublie quelque chose, ah, c'est pas important. Sinon, les 31 jours d'horreur vont toujours bien. J'ai fait mon entrevue à Radio-Can, c'était cool, j'ai mis le lien, vous aurez écouté ça. Puis sinon, on a notre concours, très bientôt, on vous dit comment participer. HMV, Chicoutimi, qui ont été encore une fois très gentils. Ils nous ont donné 2 cartes cadeaux de 25$ HMV. Toujours le fun pour se gâter. Steven, malheureusement, tu ne peux pas les gagner, donc tu vas continuer à dépenser ton argent. Parce qu'en plus, je sais que... repasser tes vieux DVD qu'on n'aime pas, là. En plus, je sais que Steven, c'est ton magasin préféré, toi, HMV, chez vous. Ben oui, je vais tout le temps là. Ben oui, mais à Chicoutimi, moi aussi, ils ont une section exprès horreur où tous les films sont classés là. C'est un des derniers HMV au Québec à être comme ça. Puis Ils ont des conseillers et vraiment solides à HMV Chicoutimi. Puis en plus, c'est con, là. Ça, je pense que c'est le seul magasin où je trouve des meilleurs prix qu'Amazon. Petite ploye Amazon, ouais. Nice. Et ouais. Question, Sébastien, si je n'habite pas chez Chicoutimi, est-ce que je peux participer? Tous les gens du Canada peuvent participer. Alors, génial! Alors, sauf ceux qui sont présents Gabi ce soir. Et tes amis, vous pouvez pas. Hein? j'ai nommé un de nos fans français, Chris, qui ne pourra pas participer, malheureusement. Alors, tu te gratteras. sans rancune. Hey, sinon, les gars de l'horreur web, qu'est-ce qu'il faut surveiller bientôt? Vous devez sûrement faire un épisode spécial pour l'Halloween. Vous faites souvent ça, une thématique ou c'est quoi? Pas à date, là. On a un spécial de prévu, mais qui coûte tellement révolutionnaire que ça va pas prendre tout avec l'Halloween, toi, t'es cœur. OK. Pas de détails. Je peux en donner, mais c'est pas écoute, c'est un début d'idée, là, mais on a tourné en mai dernier un spécial de nos top 15 de films non horreur, et ça traînait, puis là j'ai décidé de le monter cette semaine pour se dire, tout le monde fait des spéciales d'Halloween, pourquoi pas faire un spécial pas d'Halloween? Ah, je trouve que c'est tellement une bonne idée. Hein? Oui, on s'est dit, oui, c'est ça fait 6 mois qu'il traîne. On va encore pouvoir plus juger vos goûts. Non, on a des bons films, là. On a des bons films. Quand même, on a 15 meilleurs films chaque. Si, Malak. Un top 60, quand même, là. Ouais, j'imagine qu'il y en a qui doivent se doubler à quelque part. Oui, quand même, là. Mais il n'y en a pas tant que ça, honnêtement. Là. On a quand même des goûts assez divertis dans notre podcast. Cool. Ça va donner un bon show. Est-ce que Flower in the Attic est dans le top 15, Sylvain? Non. Honnêtement, ça fait tellement longtemps qu'on l'a enregistré, oui. Je pense que je l'avais même pas vu. Mais ouais. Il y a combien de films de Décoteau? C'est un décor. C'est ça. Donc, les films que tu nommes, là, ça marche pas. Là. Écoute le grand, je sais que je parle vite, mais. Ben tu vois, vous allez nous surprendre. Voilà. C'est ça qui est le fun. Beaucoup de Ernest et de Police Academy dans ce top-là. Fait que... Nice! Enfin, du respect pour Ernest. Ernest, que tant qu'il aille à l'école, là, ça valait la peine. Mais... Ernest deserve some respect. Ben, certainement. Un coup qu'il s'est éduqué, là, il était plus bon. Non, mais... Il y aura... c'est au Québec, là, mais... Mais il n'y aura pas le Ernest d'Halloween. Ouais, attends, c'est qui vient? Halloween ou en prison qui vient Ernest avant l'autre? Ernest, c'est les monstres. Ernest, c'est les monstres. En prison, c'est le premier. Non, en prison, c'est pas le premier. Non, mais vu que c'est pas un top d'horreur. Le premier, c'est au camp de jour. Le premier, c'est au camp de jour. Parce que ça, on a fait deux trous que j'ai oublié. Il y a eu Ernest en prison. Tu vois, il y a plus de choses en prison qu'à l'école. Après ça, il a été à la chasse aux monstres. Parce que là, il a vraiment comme pogné son pic. Puis là, après ça, il était à l'école. Puis il a coulé. Il a coulé carrément. Puis après ça, c'était Ernest joue au basket. Puis Ernest décrotte l'année. Je sais pas trop. Là. Il est supposé avoir quel âge, hein, Ernest? Il est mort. Oui. Ouais, le personnage, j'imagine? Oui, Dom, merci de nous ramener. Merci de rien. Je pense que c'est comme Pibou et Herman. Il n'y a pas d'âge. Il est comme jeune et pas jeune en même temps. Ernest, c'est une idée. C'est un concept. Il est comme Joël Legendre puis Élise Marquis dans Enfant en forme. Exactement. Je ne sors pas grand au parc. Il voilà. Faut changer, là. Il est rendu correct maintenant, Joël. Non, j'ai rien contre Joël, je fais bien des farces, mais... Oui. Mais c'était pas de sa faute, c'est parce qu'il a été victime d'intimidation à l'école. Je sais, mais écoute, moi, heureusement, moi, j'étais un gros, fait que je me faisais souvent écœurer à l'école, puis heureusement que j'ai une thérapie avant, sinon, je me ferais arrêter, je me ferais écœurer parce que je suis gros, fait qu'il faut que je me sorte la graine. Graine dans un parc. Mais regarde, moi je suis correct, à Chicoutimi, il y a tellement pas de monde dans les parcs, fait que je suis encore safe. Hey boy! Sur ce, bonjour Joël. Allô Joël! C'est lui qui produit le show. Salut Leonardo! Fait que je suis obligé de danser quelque part. Faut que tu fasses du lip-sync! C'est ça, j'allais dire juste du lip-sync. Puis Sylvain, 7e démenti. Là, de sûr, je fais les trois autres Flowers in the Attic. Mmh. Et puis, l'année prochaine, ça va être une année... La saison 4 va être une année un peu spéciale. Je vais beaucoup parler de religion. Oprah. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est ce que tu avais dit que tu avais fait. Oui, oui. Ouais. Ça s'enligne vraiment là-dessus. Ça va être une année assez. Ben, tu sais, je vais entrecouper ça de films autres, évidemment. Mais ouais, ça s'enligne pas mal là-dessus. Puis j'ai envie de plugger une autre affaire là, parce que ça me tente. J'ai tourné hier un épisode l'épisode spécial de d'Halloween de mon Dieu. Je joue le jeu. Ben oui, écoute, j'ai vu la photo puis j'ai Puis c'est ça, c'est vraiment une niaiserie là. Je suis juste dans le fond du décor, je fais vraiment pas grand chose, puis j'ai presque pas de ligne. Mais c'était super le fun, puis j'ai super hâte que la vidéo sorte. Puis je meurs. Écoute, je meurs dans un slasher, c'est trop le fun. C'est vraiment écoute, trop le fun. Mais en plus avec la gang à Guillaume est tellement. Guillaume Couture, là, il mérite tout l'amour du monde. Ben oui, écoute. Vraiment. Moi, depuis que j'ai vu que c'est juste de la télé, on a maintenant une version web qui s'appelle C'est juste du web, là. Ouais. Je me dis, regarde, Guillaume Couture doit s'y retrouver un jour. Mm. Faisant la demande, je pense que si c'est juste du web, justement, il devrait lire le Twitter, quelque chose. Ouais, ouais. Faudra. On lance nos fans, on spam c'est juste du web. Nice! Mais si je peux rajouter quelque chose, une petite affaire, pour ceux qui aiment nos amis Sylvain et Dominique. Et si je peux en parler, mais ils sont aussi tous les deux sur l'émission Les Nyctalopes maintenant. Oui, c'est vrai. Oui. C'est une émission de radio. Ben, Sylvain peut peut-être en parler ou Dominique, je sais pas. C'est IBL, c'est ça? C'est ISM. Oui. C'est ISM. Ben, oui, Dominique. Ben, écoute, moi, je peux pas en parler vraiment. J'ai fait un show, puis j'ai choqué le deuxième. Mais oui, c'est une émission, Les Nyctalopes, qui parlent de paranormal et de tout ça. Par exemple, là, l'épisode que j'ai fait avec Sylvain, Sylvain a parlé de l'Ho'oponopono, qui est un concept de bien-être intérieur, pas ici, mais... Hawaïen, pardon. Et moi, j'ai parlé du vagina dentata, donc des vagins dentés. Ça peut vous donner une idée. Mais il y a vraiment plein de sujets divers sur ça. Il y a aussi un épisode où qu'il y avait, on faisait la vraie biographie de Calamity Jane, je pense, puis de Billy the Kid. Ça touche vraiment plein de genres, plein de choses. Plus entrecoupé d'intermèdes musicaux québécois et autres. Donc, c'est vraiment une bonne petite émission. Là. Vous pouvez écouter ça tous les vendredis, 7h, sur les ondes de CISM, la Radio Libre à Montréal. Puis c'est en format podcast aussi. Ouais, c'est oui, très aussi, cool, effectivement. C'est en format podcast. Et puis, cette semaine, dans le dernier épisode, vous pouvez m'entendre parler avec plein d'amour de l'importance de David de Coteau dans le cinéma. Ça va être intéressant. Puis moi, j'avais commencé à écouter votre épisode avec Guillaume Couture. Je ne sais pas s'il est là souvent. Il était là très souvent avant. Maintenant, il y a vraiment beaucoup d'autres projets. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nouveaux sur le show. Les anciens, ils ont comme d'autres choses à faire. Bon, parce que, tu vois, moi, j'avais commencé votre show avec Guillaume Couture. Puis, finalement, dans un internet musical, vous avez passé du Rosy Valant et j'avais complètement arrêté pour juste écouter du Rosy Valant. Mais c'était bon ce que vous faisiez. Merci. C'était une plug pour Rosy Valant, c'était ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vicky, ben là, toi, t'as fait tes capsules, t'as rendu à 5 capsules sur nos montages. Oui, 5. Ben, j'ai déjà composé la 6e, il me reste juste à finir le montage de la 6e. Et oui, j'en ai 5. Ça a beaucoup d'écoute. Vraiment, je suis surprise. Les gens ont l'air beaucoup aimé. Je suis bien contente. Oui, mais les commentaires sont là aussi, c'est fun. Oui, j'ai publié sur... en fait, le podcast, c'est vraiment juste que je parcours la liste des 31 jours d'Horreur Gamer. On a publié une liste de films pour le marathon des 31 jours d'octobre, un film d'horreur par jour. Puis je me suis dit, bon, ben tant qu'à faire, je vais suivre la liste puis faire un compte-rendu de chaque film. Parfois, je dérive. Parfois, je me concentre vraiment sur le film. Et je me suis mis à publier ça sur d'autres pages Facebook de fans d'horreur. Puis j'ai vraiment des bons commentaires, les gens ont l'air à vraiment apprécier qu'ils soient d'accord avec moi ou pas. Je pense que ce qui est le fun, c'est que ça attire la discussion, c'est ça qui est intéressant. Yes. Mais non, ça vaut la peine d'être suivi. Sinon, ben Le pas de fer, vous préparez-tu quelque chose pour l'Halloween ou... on a un épisode qui s'en vient bientôt. J'ai pas de date exacte, mais c'est pas un spécial Halloween. C'est un spécial Jim et les hologrammes. Ah oui, c'est vrai. On va aller voir Jim et les hologrammes au cinéma, puis on va revenir en parler, puis on va se poser la question, est-ce que c'est une réussite? Est-ce que ça répond aux attentes des fans? Ou est-ce que c'est un... une merde totale. Et, si on s'entend qu'écoute, Jim et les hologrammes, c'est quand même le happening de cette fin d'année. Puis oui, c'est ça, exactement. Tu sais, fuck Star Wars, fuck les autres. Mais, c'est ça. Mais, Star Wars. Mais c'est un peu inspiré aussi par les réactions de Sylvain. Je voulais absolument faire un épisode là-dessus. Fait que, et Sylvain va se joindre à nous. Fait que ça va être trippant. Inspiré des réactions de Sylvain. Ben, si t'as vu son épisode de Batman. ah, ok, ouais. Et par épisode, on veut dire Sylvain qui explose, là. Non, c'est la mort! Littéralement. C'est parce que j'en parlais avec lui sur Facebook des fois aussi, puis j'arrête pas de dire que ça sera pas si pire que ça, puis lui... Non, peut-être aussi pire que ça, là. Ouais. Ça, la bande-annonce a l'air d'un film pour fait pour Much Music, là. C'est pas... Ça va être drôle. Honnêtement, c'est juste pour motiver, arrêter. ça a pas l'air... d'un mauvais film. Ça n'a pas l'air d'un bon film, mais ça n'a pas l'air d'un mauvais film en soi. Ça n'a juste rien à voir avec Jem. C'est juste ça. C'est juste drôle, Sylvain, parce que Jeff en parle de ton podcast, mais ton blog de vidéo. C'est vrai que je me souviens pas du tout du sujet. Je me souviens juste de ta critique de Jem, toi, couché par terre, qui pleure du remake. Je ne sais même pas du sujet de base du vidéo. Ben là, Batman et Robin, les tétons... Oui, mais je me souvenais même pas que ça avait un lien. Non, c'était un des épisodes les plus tordants. Là. Oui, mais... Ouais. J'avais complètement oublié qu'il y avait eu Jem et les hologrammes. Fait que c'est ça, on va aller voir ça. Ça sort la semaine prochaine, fait que pas longtemps après, on va faire un épisode. Puis notre ami français que tu as nommé tout à l'heure, Sébastien Chris Yukigami, va être... j'ai dit va être dans l'épisode, c'est pas vrai. S'il réussit à voir le film chez lui en France, genre en VOD, peut-être qu'il va joindre à nous. Sinon, ben... Sinon, il pourra pas. En fait, la vraie question, c'est est-ce que Jem va être meilleur que Paranormal Activity ou Paranormal Activity ouais, va être meilleur? Tout c'est ça qui te fait mal, là, c'est ça sort en même temps. T'sais. Ben, mal, ça dépend. Je vais peut-être le regretter ou pas par la suite. Ça va dépendre. Mm-hmm. Mais hey, je pense à ça. Là. Si Chris est là plus souvent encore, là, votre show devient transatlantique. Là. Mm-hmm. C'est assez malade. Là. Ça serait le fun. Vous êtes big. Là. Vous êtes international, les gars. Pensez à ça. Faites attention. Ça n'a pas fait augmenter le nombre d'écoutes de texte. Hein, tellement, mais c'est pas grave. Nous autres, c'est les Français, puis toi, Seb, c'est les Allemands. C'est ça. Hey, sur ça, on est-tu prêt à commencer ce show? Oui. Excellent. Alors, start no jingle, Jeff, right now! Donc, pour cet épisode spécial coalition des podcasts d'horreur québécois, on va y aller avec un tour de table, deux tours de table même, sur des films qu'on a écoutés pendant notre temps d'octobre pour se préparer à l'Halloween. Et on va commencer avec toi, JF. T'avais ton premier film à nous proposer? Oui. Mon premier film, c'est un film qui est sorti récemment qui s'appelle Final Girl, pas de S, parce qu'il y a un autre film qui s'appelle Final Girls, dont on va parler plus tard. Final Girl, pas de S, c'est un film de 2015. J'ai pas retenu le nom du réalisateur, mais en tout cas, c'est un film qui met en vedette Abigail Breslin. Désolé. Abigail Breslin, on la connaît pour Little Miss Sunshine, pour Zombieland, et aussi pour la série Scream Queens, qui joue présentement à la télé. Et donc, c'est l'histoire, en gros, d'une fille qui se fait recruter quand elle a 6-7 ans par un homme qui est joué par Wes Bentley qui lui raconte que lui a vu sa femme et sa fille se faire tuer par des truands, puis qu'il va l'entraîner, elle, pour devenir une genre de machine à tuer, pour qu'elle puisse combattre ce genre de jeunes meurtriers, de gens qui ont tué sa femme et sa fille. C'est un peu pas clair dans le film exactement pourquoi il l'a engagé à aller tout ça, puis ça reste pas clair. C'est plus un exercice de style, je dirais, le film, parce que le scénario est correct, là, c'est intéressant. Puis dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, je vais en parler positivement du film. Mais c'est vraiment plus le style qui l'emporte sur l'ensemble. Visuellement, c'est super beau. On croirait que ça se passe dans les années 50, et c'est peut-être le cas, je suis pas sûr, ou c'est peut-être juste un style qui donne au film T'sais, on a un diner, on a les robes, les coiffures un peu moins. Ça pourrait quand même se passer de nos jours, sauf qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de technologie, rien. Et ben c'est ça, on a cette petite fille-là, puis Wes Bentley, qui lui va l'entraîner pendant toute sa jeunesse, son adolescence. Puis rendu à l'adolescence, il lui fait... dans le fond, on voit en parallèle, il y a quatre hommes, quatre adolescents qui eux, tuent des jeunes filles. Ils les entraînent dans le bois, à chaque fin de semaine, ils sortent, puis ils vont prendre une blonde, toujours une blonde. Puis ils vont l'amener dans le bois, puis ils vont jouer un jeu sadique avec elle, puis finir par la tuer. Puis ça fait genre plusieurs filles qui font ça, avec qui ils font ça. Puis, fait que c'est ça, Abigail Breslin, son rôle, sa job, elle, ça va être justement de se faire passer pour une victime, dans le fond, pour se faire traîner par eux dans le bois, puis finir par les tuer. Puis c'est un peu ça, l'idée, c'est très... c'est très basique, puis ça va pas vraiment plus loin que ça, l'histoire. Comme je dis, c'est vraiment plus un film que tu regardes pour le style, pour les images. C'est extrêmement beau, je trouve, visuellement. Les éclairages sont pas du tout réalistes, surtout quand on arrive dans la section dans le bois, la deuxième partie du film. Il y a des gros spotlights qui ont aucun rapport, puis c'est vraiment... c'est ça, ils n'ont pas d'affaire à être là pendant tout. C'est aucun réaliste, là, tu sais, t'as des lumières qui éclairent de manière que ça n'a juste pas rapport. Mais ça marche, en tout cas pour moi ça marchait là, dans le contexte du film. Puis j'ai trouvé la performance de Abigail Breslin vraiment très très bonne. Wes Bentley, on le voit surtout au début, puis il était correct, là, mais sans plus. Puis c'est dommage, j'ai pas retenu le nom des autres acteurs, je les ai pas pris en note, mais il y en a un que son personnage s'appelle Danny Boy, que j'aurais... voulu voir plus encore, il était vraiment vraiment fun son personnage, puis le jeu de l'acteur était vraiment très fun. Puis c'est ça, mon gros problème avec le film surtout, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de surprise, parce que vu qu'au début, tu sais, on comprend qu'elle se fait entraîner pour éventuellement tuer ce genre de personne-là, pour être une genre de machine à tuer qui est toute pleine de ressources, ben tu devines un peu comment ça va se terminer, tu sais. Mais il y a quelques moments dans le film qui sont vraiment surprenants, qui sont vraiment le fun, dont une conversation à un moment donné avec une des blondes de ces gars-là, de ces tueurs-là, que Abigail Breslin rencontre au restaurant. Puis ce petit moment-là, j'ai vraiment trouvé le fun, le jeu des actrices est le fun, puis la relation entre les deux qui se développe en quelques minutes est vraiment le fun. Puis c'est ça, dans l'ensemble, c'est pas un film avec plein de surprises, avec plein de retournements de situation, c'est vraiment très straightforward, très basic, mais... moi, j'ai vraiment pas haï ça. J'ai trouvé ça le fun. Ça m'a tenu intéressé tout le long. Puis je sais pas, il y a des. C'est ça que je dis. Il y a des scènes de fun. Puis c'est pas vraiment de l'horreur. Là. C'est plus un trailer avec du suspense un peu. Mais il y a des petits moments où ce que. C'est parce que Abigail Breslin, elle va comme droguer les gars. Puis ils vont avoir des hallucinations chacun de leur bord. Puis ils vont voir leur pire peur se matérialiser devant leurs yeux. Puis ça peut être intéressant par moment, là, tu sais. Fait que c'est ça, en gros, moi je le recommande, mais ça sera pas pour tous les goûts non plus. C'est plus un exercice de style qu'autre chose. Puis esthétiquement, ça fait penser à quoi? Esthétiquement? Ouais, tu parlais là, le style. Ah là, ben c'est... Pour... J'ai... Je sais, peut-être un peu film noir, vu que ça se passe dans les 50, mais encore le film noir, c'est plus dans les années 40, genre, mais... Il y a des bouts un peu peut-être à la Twin Peaks, à cause des gros spots sur les gens des fois, parce que... T'as vraiment le personnage au centre de la caméra, puis t'as un spot sur lui, puis des trucs comme ça, mais c'est dur à décrire, c'est assez unique quand même, je trouve. Donc original dans son style, mais pas dans son scénario? Non, le scénario est très, très de base, puis il n'y a pas grand retournement, là, t'sais, on n'est pas très, très surpris. Là. Même qu'il y en a qui pourraient être déçus à la fin, là, facilement. Là. T'sais, moi, j'ai pas été déçu, là, t'sais, mais c'est pas non plus le film le plus satisfaisant au monde. Là. OK. Ça, c'était disponible sur iTunes? Il est en DVD aussi, en ce moment. Ah, il est en DVD? OK. Mais c'est... Moi, je me souviens avoir vu la bande-annonce, mais ça a quand même passé... Inaperçu, oui. Inaperçu. Pourtant, Abigail Breslin a son fanbase, si on veut. Mais sur Amazon.ca, il est là, puis ouais. OK. Cool. Y avait-tu quelqu'un d'autre qui l'avait vu? Non. Bon, ben... Hey, on parle de Final Girls avec ou sans S? Juste sans sens. Retourne à tes patates, toi. Ouais. Non, j'ai fini. Ah. Je suis mon troisième verre de vin en place. Ça aide à digérer. Attends, mais t'es en train de boire ton premier le v'là 5 minutes. Ouais, 5 minutes, c'est v'là 5 minutes. Ouais, mais tu connais pas Vicky, toi. tu gères. 5 minutes, c'était long. Essaye de rester lucide, jeune fille. Ben là, voyons donc. Elle nous a déjà prouvé qu'avec une bouteille de vin, elle est quand même capable encore de podcaster. Elle n'a pas de problème. De continuer de boire. La question, Vicky, c'est quand tu fais tes podcasts tout seul, est-ce que tu bois? Oui. Oui? Oui. OK, c'est pour ça que tu t'emportes sur la question, c'est quand est-ce que tu bois pas? Quand je travaille. Ah, à peu près un seul moment dans ma vie. Non, mais pour l'anecdote, moi, au début, je buvais sur le 7e démenti. Dans les premières vidéos, je buvais, puis tu sais, je trouvais que ça, c'était drôle, puis ça faisait partie du personnage, mais je me suis rapidement rendu compte que mon texte était de plus en plus difficile à lire plus j'avançais dans la vidéo, puis que mon acting, entre grosses guillemets, si je peux l'appeler de même, était vraiment, vraiment, vraiment de plus en plus pourri, fait que j'ai juste arrêté. Ben sûrement qu'en vidéo, c'est différent qu'en audio aussi, là, on s'entend. Mais moi, mes audios, je les envoie aussi à la radio communautaire de Sherbrooke. Puis il y a une fois qu'ils m'ont dit « Vicky, il faut que tu arrêtes de les enregistrer à radio parce qu'on entend ton verre cogner sa console. » C'est beau. Prends-toi un verre en plastique. Ou mets bien du tape autour. Tu sais, le problème, c'est même pas que t'es saoul, c'est qu'on entend. C'est ça, tu sais. Ils ont même pas dit « bois pas à côté de la console » ou quoi que ce soit. C'est « veux-tu arrêter de faire du bruit? » Fait que pour Noël, elle va recevoir une calotte avec des places pour mettre des bouteilles de vin à ses côtés avec des pailles. Là. Mais oh, malade! Je suis sûr que ça existe. Moi aussi! Sûrement. Ça doit être lourd sur le coup, là, des bouteilles de vin, mais... T'as besoin de mettre deux juste une parce que c'est débalancé. Ah. Ouais, mais on vit un torticolis hein, pour du vin, c'est pas un problème. Ah, ben, j'imagine, après ça, plus t'avances, moi, tu le sens ton torticolis. Exactement. C'est concept. Tu finis avec une bosse dans le dos, mais hostie, que t'as bu du vin dans ta vie pis t'es heureux. À 40 ans, t'as lâché d'une banane de 80 qui marche à moitié penchée, là, mais. Mais t'as eu des crises de soirée. Ouais, c'est ça. J'ai hâte au prochain verre. Oui, ramène-nous vers le droit chemin. Hey, Steven! Oui? Qu'est-ce que t'as vu, toi? Hier soir, j'étais allé voir Goosebump ou Goosebum. Ou et Sebum. Goo et Sebum. Oui. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Sebum, ça a rapport avec l'acné. Allez juste taper sur Google pour voir, c'est vraiment charmant. Merci à Dominique Paulus. Ça fait plaisir. Merci à mes gros doigts sur un petit iPhone. Non, c'est ça, j'étais voir Goosebumps parce que veux pas, j'ai grandi avec ça durant mon enfance. J'étais un grand fan de la télésérie. J'ai pas lu beaucoup de livres par contre, mais en français ou en anglais? En français, j'écoutais ça à Canal Famille là, dans le temps que ça existait là, encore. Pour ceux qui connaissent Canal Famille, il faut être rendu vieux, je pense, maintenant. Ouais. C'est ça, tout le monde allait voir Crimson Peak de Del Toro pendant que moi j'allais voir Goosebumps parce que j'avais plus envie de voir Goosebumps. Et honnêtement, je m'attendais au pire parce que c'est un film qui arrive quand même assez tard. Puis je me suis retapé une couple d'épisodes il y a une couple de mois. Puis la série a quand même assez mal vieilli. Ça n'avait plus le même impact que j'avais lorsque j'étais jeune. Et je m'attendais vraiment au pire avec Goosebumps, mais j'ai été agréablement surpris. Je trouve que ça a vraiment été une bonne petite surprise. Pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire, qui est assez simple, on va juste suivre Zach qui va déménager avec sa mère dans une petite ville qui s'appelle Greendale dans Maryland. Et lorsqu'il va déménager là, il va faire la rencontre de sa nouvelle voisine qui est tout à fait charmante, qui va tomber assez facilement sous son charme. Et son père, par contre, qui est joué par Jack Black, qui joue R.L. Stein, voudra pas qu'il prenne contact avec elle. En fait, il veut carrément l'enfermer dans sa maison. Il veut être coupé du monde extérieur au risque d'avoir un très grand danger. Évidemment, Zach ne va pas l'écouter et au fur et à mesure qu'il va commencer à découvrir ce qui se passe à l'intérieur de la maison, il va découvrir une collection de livres, des livres de Goosebumps qui, par accident, va finir par les ouvrir, qui va libérer les créatures qui sont emprisonnées dans les livres de Goosebumps et la ville va être ensevelie de créatures pendant que Jack Black et ses petits acolytes vont tenter de récupérer tous les monstres pour les réenfermer dans les livres. Donc, on suppose que la série et tous les livres de R.L. Stein étaient une façon d'emprisonner ces monstres-là. Oui, exactement. En fait, la manière que c'est expliqué dans le film du pourquoi les monstres reviennent à la vie est quand même bien. Là, je m'attendais à une raison plus stupide, mais j'ai trouvé ça quand même bien. Je ne sais pas s'il y en a d'autres parmi vous qui est allé voir le film du côté du Horror Web. Ouais, moi, je suis allé, mais je ne veux pas trop en parler, vu qu'on tape notre show mardi. Là, ouais, ça, vous êtes tenu sous le secret professionnel. Exactement. Mmh. Tant qu'on n'a pas enregistré, on ne peut pas en parler. Mais moi, j'ai bien aimé, pour faire rapidement mon opinion, moi, j'ai bien aimé ça, honnêtement. Là. Moi, je n'étais pas un fan ni des livres, ni de la série, parce que je suis capable d'avoir peur par un film, mais un livre ne m'a jamais fait peur de ma vie. Je ne suis pas capable d'embarquer à ce point-là dedans et de me dire « Ouh, qu'est-ce qui va se passer? » Je vais m'intéresser à l'histoire, mais je n'aurai jamais peur par un livre. Puis la série, c'est tellement édulcoré. Là, ça passait à 5 heures avant de revenir à l'école. Tu sais, c'était pas une heure d'écoute où est-ce que tu peux dire « Je vais avoir les jetons là, avant de manger mon spaghetti. » C'était moins effrayant qu'un « Fais-moi peur ». Oh, même « Fais-moi peur », ça ne m'a jamais fait peur. Mais « Fais-moi peur », c'était quand même plus effrayant que « Goosebumps ». Je pense que ça dépend des épisodes. Ben oui. Okay. C'est quand même marrant que, par contre, dès que la bande-annonce de Goosebumps est sortie, les gens chialaient sur le fait que ça avait l'air trop enfantin, alors que veux, veux pas, c'est une série pour enfants qui était pas si horrifique que ça. Là. Je sais pas à quoi ils s'attendaient. Ouais, ouais, mais excuse, mais si ton personnage s'appelle Monsieur. C'est quoi, c'est Monsieur? Mais... Si j'ai un mauvais garçon, là, c'est comme garde. Ouais, pas garçon. Peur avec un mauvais garçon. Non, écoute. Non, mais c'est ça, t'as raison, Steven. Je l'ai lu souvent, ce commentaire-là. J'étais comme, voyons donc, vous attendiez à quoi? Puis là, je voyais du monde qui disait, ben, moi j'ai vieilli, la série aurait dû vieillir, puis le film aurait dû donner de quoi de plus mature. Je m'excuse, le but c'était d'y aller dans la nostalgie. Là. Surtout si on regarde la promo qu'ils ont faite avec leur vidéoclip. Digne de Ghostbusters. Digne d'un vidéoclip des années 90, là, comme on faisait dans le temps qu'un film sortait. Là. On compose une toune pour le film, puis on en fait un vidéoclip, ce qui est. Mais la question moi, que j'aurais, c'est d'abord, c'est à qui s'adresse le film? Honnêtement, le film s'adresse pas mal aux familles. Ça va autant plaire aux jeunes qu'aux adultes parce que le film a des blagues quand même assez le fun qui va faire rire les jeunes. Puis le côté horreur est quand même pas si poussé que ça au point de les terrifier. Bon, il y a des petits jumpscares sympathiques. J'étais quand même avec une salle moitié adulte. J'étais étonné. J'ai vraiment vu des gars de 20-25 ans qui sont en chum à aller voir Goosebumps. Là. Fait, je trouvais ça assez amusant de me dire que j'étais pas tout seul à y aller par nostalgie. Fait que ça fait pas juste des clins d'œil justement tout le long aux fans de la série là, en disant hey, non. On fait référence à ci, on fait référence à ça. Il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de créatures de la série, mais ils n'ont pas toutes mis non plus. Tu sais, je m'attendais à voir l'éponge, qui était sans doute l'épisode qui m'avait le plus marqué quand j'étais jeune, puis n'était même pas présente en fait. Ils ont vraiment mis un méchant principal qui est la poupée méchant garçon. Puis t'as quatre autres vilains que tu vois vraiment. Ils ont vraiment pris les plus populaires de la série pour les mettre sur le devant de l'écran, puis les autres, t'es vu entre-temps comme caméo. Fait que c'est un petit peu dommage. Ça aurait été le fun peut-être de mettre un peu plus devant l'écran les autres créatures, mais globalement, les autres sont quand même fun à voir. Mais des jeunes de 15-20 ans peuvent aller voir le film puis avoir du fun. Puis, ils vont pas avoir l'impression d'avoir quelque chose de vieux. C'est quelque chose de 2015. Non, Non, ils l'ont bien modernisé. Puis en même temps, je pense que ça va aller chercher des nouveaux fans qui vont peut-être, auprès des jeunes surtout, qui vont aller acheter les livres puis s'y intéresser. J'ai vu des commentaires sur Instagram de gens qui montraient leur enfant qui, après avoir vu et aimé le film, sont allés acheter une couple de livres de Goosebumps. Fait que c'est quand même cool. Là. Ça va peut-être faire revenir ça sous le devant des librairies, puis les revenait un peu populaire. Parce que le gars, je pense qu'il a vendu comme au-dessus de 400 quelques millions à travers le monde. C'est ce qu'il dit dans le film. Je sais pas si ça relate les faits, là, mais apparemment qu'il a vendu plus de livres que Stephen King. Mais en fait, ce que j'allais dire, c'est le public cible. Ouais, ben c'est ça. Mais en fait, le public cible, c'est idéal, c'est ça. C'est le père d'une trentaine d'années qui a connu ça quand il était jeune et qui a un enfant assez vieux pour l'emmener au cinéma avec lui et le faire connaître. Il y a assez de références pour que le père se reconnaisse puis comme « Ah ben oui, c'est vrai, j'ai vu ça. » Mais c'est assez aussi enfantin, pas que genre bébé la blablabla, mais assez pas trop hardcore puis juste assez immature pour qu'un enfant de 8-9 ans puisse l'apprécier puis dire « Hey, j'ai goût de lire les livres puis de découvrir c'est quoi Monsieur Mauvais Garçon puis l'abominable homme des neiges puis les maléfiques nains de jardin et tout ça. » Fait que c'est idéalement, c'est ça, mais honnêtement, c'est un genre de film qui peut plaire comme les jeux de Parker Brothers là, de 7 à 77 ans. Mm-hmm. C'est vraiment un très grand public. C'est mais cool, S'ils peuvent se l'approprier, c'est cool. C'est pas juste la nostalgie pour la nostalgie. Non, exactement. Non, vraiment. Moi, je serais pas surpris de voir Goosebumps Nouvelle Génération ou quelque chose de genre. Là. Ça peut devenir leur Monster Squad. Ouais, c'est ça que j'allais demander. C'est-tu un nouveau Monster Squad pour la Nouvelle Génération? C'est du sous-Monster Squad. C'est du sous-Monster Squad. Ça a quand même des défauts. Le film est très classique. Beaucoup de clichés puis des trucs qu'on a déjà vus. Puis il manque un petit quelque chose pour s'élever au-dessus de ça quand même. Mais... T'auras pas de vampire de 500 ans qui traite une petite fille de 7 ans de bitch. Mais... T'auras pas un jeune avec un shotgun qui va tirer pour faire son badass là, non plus. C'est ça. C'est vraiment film pour enfants, là, le genre quasiment semi-Disney Channel. Ce qui n'est pas un défaut en tant que tel, mais c'est ça. Va pas là en t'attendant à voir le film d'horreur de l'année. Tu vas être fucking déçu. Mais si t'es capable de remettre ton cœur d'enfant pour une heure et demie, ça va être parfait. Là, moi, j'ai géré beaucoup. Je suis mature dans la vie aussi, là, ça aide. Mais moi, j'ai vraiment. C'est comme je dis, je veux pas trop en parler, mais moi, j'ai quand même aimé ça. C'est pas le film de l'année, c'est pas la comédie de l'année. C'est correct. Il y a des défauts. Il y a des petites longueurs. Il y a des fois, les blagues immatures vont vraiment rentrer dedans solide. Moi, les personnages des deux policiers, je n'aurais pris pendant une heure et demie. Ah, moi aussi. Mais en même temps, c'est genre de blague de regarder « Oh non, une fille me regarde drôle. » ou « Oh non, je suis tombé. » ou « J'ai ouvert une bouteille de Pepsi pendant que le garou mange son gigot d'agneau. » Il y a un peu des deux, mais ça marche. Vraiment que tu y ailles avec le bon set main de garde. Je m'en vais au cinéma, j'ai mon popcorn, ma liqueur, puis je vais juste passer une belle heure et demie devant un film. Le but principal, c'est juste ça, c'est d'avoir du fun et être diverti. Puis le film, il livre la marchandise de ce côté-là. On s'amuse, puis sérieusement, je regrettais pas mon choix. Puis comme toi, je pense que ce qui fait aussi la force de Goosebumps, ce sont ces personnages qui sont le fun à suivre. Le groupe Jack Black avec Zach, puis la fille. Tu sais, c'est pas des personnages antipathiques ou tellement clichés, stéréotypés que tu vas t'en colisser. Ils sont quand même le fun, ils apportent leur dose d'humour. Puis t'as d'autres petits personnages secondaires qui sont un peu moins présents, dont les deux policiers, mais qui sont vraiment, vraiment le fun. Puis comme on disait, ça s'adresse à tout le monde. Puis par moment, ils lancent des petits clins d'œil ou des blagues que c'est sûr que les enfants ne comprendraient pas. Comme à un moment donné, les deux policiers font une blague. Il y en a un qui va dire une réplique du film The Blood avec Steve McQueen. Puis la fille devait deviner c'était quel film. Tu sais, c'est un truc que les enfants n'auraient pas compris, mais que moi, j'ai tout de suite remarqué. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun d'être ça dans un film qui fait vraiment familial et non juste on va faire un film pour les enfants. Puis les parents vont s'emmerder comme si on allait voir le film Les Mignonnes qui est vraiment fait un film pour enfants immatures. Moi, le seul personnage moi, que j'aurais enlevé, c'est dommage, mais c'est Hera Stein. Je trouvais qu'il était faible. Mais les trois jours de jeûne, j'aurais suivi. Au point où est-ce que, pour faire une comparaison, mais c'est vraiment pas le même niveau de qualité parce que le film que je vais nommer, moi, c'est un de mes films préférés de ever. Là, mais par moments, ça me faisait penser un peu à Hocus Pocus dans le ton. Okay, avec les monstres, l'unité, le film vraiment enfantin, puis c'est des ados qui, pas en pensant que c'est des ados, mais c'est vraiment joué par des ados ou semi-ados, c'est pas un gars de 40 ans qui se fait croire qu'il a 15 ans. Là. Fait que tu peux te mettre dans ce mindset-là, puis ce genre de film-là, mais moins bon, honnêtement. Là. Mais c'est ce genre-là que je pourrais comparer. Puis il y a un aspect très Halloween agréable. Là. Tu vois que le film fit dans le décor puis qu'ils ont bien fait d'avoir sorti ça dans le mois d'octobre. Là. Je pense que c'est un petit film léger qui va bien faire décoller, mettons, les enfants pour débuter leur marathon, mettons, d'horreur durant le mois d'octobre. Là. C'est vraiment le fun. Sinon, c'est pas mal ça. En gros, je pense que les fans nostalgiques de la série devraient quand même trouver leur compte. C'est le fun. Puis honnêtement, moi... Je trouve pas que l'aspect plus humoristique, je ne crois que ce soit. Moi, la série, déjà en partant, elle a mal vieilli, puis je la regarde, puis c'est plus quelque chose qui me fait peur. Fait que le monde qui se dise « Ah, j'aurais voulu que le film suive la série », c'est comme regarder de nouveau des épisodes. Vous allez voir que ça a crissement mal vieilli, puis c'est plus aussi terrifiant que lorsque vous étiez jeune. Là. Honnêtement, même quand c'était nouveau, c'était bien mal vieilli, je trouvais. Là. Mais c'était peut-être parce que Steven était un peu jeune. Oui, c'est vrai. Oui. T'étais le public cible à l'époque. Ben oui, moi, une éponge, j'oublie ça, j'étais plus capable de dormir. Ben moi aussi, j'ai de la misère à dormir quand j'en vois proche de la vaisselle. C'est comme, non, faut que je lave la vaisselle, non! Non, l'éponge est pleine de microbes! Hey, Dom, t'avais de l'air bien parti? Si on continue avec toi? OK, ben oui. Ben moi, un des deux films que j'ai choisi, c'est... En fait, j'ai écouté Final Girls... le film que Sébastien va parler, donc j'en parlerai pas trop. pour l'instant. Mais c'est ça, je l'ai écouté pour notre épisode de la semaine passée, pour le dernier podcast sur la gauche. Et puis, ça m'a donné le goût d'aller dans la même veine. C'est un film méta sur les slashers. Donc, je me suis dit, je vais continuer là-dedans, dans cette catégorie-là, et je vais parler ce soir de deux films méta de slasher. Et le premier étant Cabin in the Woods de Drew Goddard, sorti il y a 2 ans à peu près, là, qui raconte l'histoire de 5 adolescents joués par justement des acteurs de 30 ans qui vont... en fait, ben non pas adolescents, ils sont quand même à l'université, fait que comme semi-adultes, mais en tout cas, ils sont juste trop vieux pour le rôle. Et ils s'en vont passer une fin de semaine dans un chalet du cousin d'un des gars pour faire le party, puis boire de la bière et fourrer des filles. Et puis, donc, rendu au chalet, ils commencent à se rendre compte qu'il y a des choses bizarres. Entre autres, ils rencontrent une personne dans un gas bar, puis ils disent « N'allez pas là, vous allez mourir! » Comme dans tous les slashers. Et rendu sur place, donc, ils descendent, ils entendent du bruit. En fait, il y a une porte pour le sous-sol qui ouvre par surprise. Les jeunes descendent, ils trouvent plein de cochonneries, puis chacun choisit un objet jusqu'à temps qu'une des femmes dise « Ah, regardez, qu'est-ce que j'ai trouvé, un journal intime. » Et là, les jeunes vont se faire poursuivre par des monstres, des zombies redneck. Ah! Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est que parallèlement, on apprend qu'une agence gouvernementale s'occupe de ces monstres-là, et leur but, eux, c'est de tuer les 4 des 5 jeunes, la Final Girl étant optionnelle, parce que partout sur la planète, il y a plein d'agences comme ça qui font ça. C'est que ça en prend au moins une des agences qui réussit leur coup, parce que le sacrifice va permettre à des démons géants ancestraux de se calmer pour un an, et à toutes les années, ils doivent refaire une espèce de sacrifice rituel comme ça, qui ressemble à des films d'horreur. Donc, c'est très méta, ça critique beaucoup le genre, c'est quoi les choses codes. Qui vont se répéter, les codes du genre. C'est aussi une petite attaque aux spectateurs qui vont souvent demander les mêmes choses ou qui vont chialer quand c'est quoi différent. Donc, c'est vraiment très méta, une bonne critique du cinéma d'horreur en général. Puis moi, un film que j'avais vraiment apprécié la première fois que je l'ai vu au cinéma. En réécoutant en DVD, j'ai un peu moins capoté parce que moi, je suis genre là. Moi, je regarde un film au cinéma, 5 sur 5, c'est écœurant, je capote. Je suis tellement dans le film. Best movie ever. Puis ensuite, tu réécoutes chez vous, puis t'es comme... Ah, oh, ouais, j'ai payé pour ça. mais c'est pas à ce point-là. C'est quand même un excellent film. J'ai beaucoup aimé, mais c'était pas un 5 sur 5 comme je l'ai donné au cinéma. Mettons que c'était un 4 sur 5, genre. Ouais, mais t'as plus l'effet de surprise aussi, là. Faut que tu me reprennes ça en considération. Oui, oui, mais. Et au cinéma, exactement. En plus, tu l'étais pas fait spoiler, tu savais pas trop ce qui s'en venait. Fait que t'es vraiment tombé en bas de ta chaise. Tandis que rendu en DVD, il y a une certaine attente aussi. C'est surtout qu'il y a des films qui ont une bonne valeur de réécoute et d'autres non, que la première fois que tu l'écoutes, c'est écœurant puis c'est pas fait pour être vu puis ça va perdre de leur impact à force de les revoir là aussi. Effectivement, ça dépend de plein de facteurs, mais donc moi c'est ça, à l'écoute la première fois, je capotais. Mais ça n'empêche pas que c'est pas un mauvais film. Moi j'ai vraiment aimé ça, puis il mérite amplement sa place dans des vidéothèques. Mais donc c'est ça. Alors, moi ce que j'ai aimé de ce film-là, ben, ça, c'est le scénario. C'est un scénario tellement flyé. D'un côté, t'as les jeunes qui vont vivre l'histoire d'un slasher entre guillemets normal. Et en parallèle, tu as toute la magouille du gouvernement qui, tu vois, qui manipule les jeunes de A à Z. Ils vont les geler, ils vont les manipuler. À un moment donné, la fille, elle stab un des zombies. Puis là, évidemment, l'agent ne veut pas qu'elle garde le couteau. Fait qu'ils vont peser sur un piton. Choc électrique qui sort du manche du couteau. La fille l'échappe, elle continue à se pousser. À un moment donné, il y a un autre gars qui dit « Ah, oh, faut qu'on reste ensemble unis. » Puis là, tu as l'autre comme « Fuck, non, faut pas qu'ils restent ensemble. Ils vont peut-être gagner. » Fait que là, il envoie une drogue qui brainwash le gars, il dit « Non, finalement, on devrait se séparer. » Puis comme « Ok, c'est une bonne idée. » Fait que t'as tout ça en parallèle. Tu vois le slasher, puis tu vois quasiment le réalisateur, ou plutôt le scénariste en arrière qui dit « Ok, ben on va écrire ça de même, ça va se passer ça, puis si. » Puis tu sais que ça n'a pas d'allure, mais tu comprends pourquoi. Parce que selon le point de vue de l'agent gouvernemental, t'as des personnages savoureux là-dedans. Justement, qu'est-ce qui se passe dans tu sais, le... Ça aurait été un slasher normal, ça aurait été correct. C'est un bon personnage tout, mais c'est tout l'aspect gouvernemental, tout ce qui se passe là-dedans. T'as des personnages savoureux. À un moment donné, il y a une scène où ils font faire des paris sur quel monstre qu'ils vont choisir. T'as un autre personnage que justement, t'apprends que toutes les agences ont échoué, puis il y en a juste une, l'américaine et la japonaise. Et là, pour ça, tu vois une vidéo de la japonaise, genre que c'est des petites filles autour dans une classe qui entourent un fantôme, puis qui chantent une chanson, puis le fantôme devient une grenouille, puis les enfants sont comme. Le fantôme va vivre dans la creuse heureuse. Yeah! Puis t'as le gars de l'agent gouvernemental comme fuck you! Va chier. Puis il est en train d'envoyer chier des enfants qui ont gagné contre un fantôme. super drôle. Ça, ce gag-là, c'est un des meilleurs films. Et, il était carrément certainement de nulle part, là, puis les petits japonais vraiment tout heureux avec la petite tonne. C'est super drôle. Et moi, mon personnage préféré, c'est le stoner là-dedans, qui est tellement gelé que toutes les drogues que l'agence va essayer d'y mettre dans le corps pour le contrôler marchent pas, parce qu'il est gelé 24 heures sur 24. Puis lui, il va tout découvrir ça. Puis en tout cas, c'est vraiment génial. Le meilleur thermos à café ever. Oui, hey, wow, ça ouais. Qui devient un bat à la fin, là. C'est génial. Et c'est ça, en fait. C'est un film qui s'adresse beaucoup, évidemment, aux connaisseurs du genre, parce qu'ils vont voir toutes les références, tous les codes, toutes les choses qui vont se répéter dans n'importe quel film de genre. Mais aussi, ça peut être un très bon film pour le cinéphile moyen qui connaît ça un peu, qui est capable d'apprécier l'humour que le film apporte juste parce que c'est drôle. Un humour très Josh Whedon, parce que c'est lui qui l'a co-écrit. Donc, si vous connaissez ses œuvres comme Buffy, Dollhouse et tout ça, vous allez retrouver... Age of Ultron. Age of Ultron qui... écoute-moi, en tout cas. Parle-moi pas sur les films de super-héros, man. Même si la pire merde, je vais aimer ça. Je suis sûr que je vais être le seul sur la planète qui va triper sur les 4 Fantastiques quand il va sortir en DVD. Ah... Mais même pour faire une parenthèse, vous aimez pas les films de super-héros, écoutez Gotham. Même si vous détestez les super-héros, c'est tellement du génie, cette série-là. Moi, j'adore. Je comprends pas pourquoi les mystérieux, ils les aiment pas, puis ils sont en train de fesser là-dessus. J'adore ça, Gotham. Non seulement c'est écœurant si t'es un fan de super-héros parce qu'ils vont te faire plein de références à la série, mais même en tant que série, tout seul, tu dis que je connais rien là-dessus. C'est écœurant, c'est comme un CSI mélangé avec un film des années 40 avec gritty au bout, c'est vraiment dark. Des bons personnages oui. Bien développés. Oui, le constable, là, commissaire Gordon, je l'adore. Puis le pingouin, non seulement le personnage, mais l'acteur, man, il me donne des frissons tellement qu'il est écœurant. Moi, j'ai dévoré cette série-là, puis c'est rare, là, mais j'enregistre les épisodes de la saison 2, puis je l'écoute au fur et à mesure parce que j'aime trop ça. Là, au lieu d'attendre la saison sur Netflix, puis la binge-washer, là, je capote sur ce show-là. Que t'aimes, que t'aimes pas les super-héros, écoutez Gotham, courez, laissez faire le podcast à nous et Rare Gamers. C'est pas bon, là. Allez acheter, allez acheter la première saison de Gotham. JF coupe ça au montage. Oups. Mais bref, donc fin de la parenthèse. Ça pour dire que si vous écoutez Gotham, pour ça, allez écouter Cabin in the Woods. Excellent film. Puis après ça, continuez le podcast. C'est ça. À moitié, là, fais de la vaisselle en même temps, écoute pas. Là, à part si je parle, évidemment. Sylvain. Puis si vite. Ah non, c'est vrai, vous me voyez. Si Salon Diary, écoutez ça. Ouais. Hey, Vicky qui s'est inséré dans la discussion, il me semble que ça fitait avec ton sujet, toi. Ben oui. Moi, en fait, je voulais discuter, mais ça peut être long quand même parce que je veux vraiment partir une discussion sur les séries d'horreur. Puis c'est vrai que ça fit totalement ce qui vient d'être dit. Moi, je me questionne sur la viabilité des séries d'horreur. Est-ce que les séries vont tuer un peu le genre? Parce que ça a commencé il y a quand même longtemps, les séries d'horreur. Présentement, on en a gros. On a Penny Dreadful, on a Hannibal, on a Bates Motel, pour ne nommer que ceux-là. Mais ça a commencé avec des séries comme Harper's Island. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont écouté ici. Non. J'ai écouté quelques épisodes. OK. Moi, j'avais vraiment aimé. Je les ai vraiment écoutés très en rafale. Mais je me demande si, tout comme les séries de super-héros, est-ce que ça va pas tuer le genre un petit peu en film? Parce que moi, j'aime Gotham. On a Dominique ici qui aime Gotham, mais autour de moi, beaucoup de gens rient de Gotham. Et les podcasts, en général, n'aiment pas Gotham et en rient. Et c'est ça, ou The Flash aussi, qui est un peu ridiculisé. Il y en a Arrow aussi. Fait que, présentement, les films de super-héros souffrent des séries de super-héros qu'on trouve pas à la hauteur. Et je me demande, est-ce que le cinéma d'horreur va souffrir des séries d'horreur qu'on va trouver? Parce que les séries d'horreur en prennent toujours un petit ton humoristique, puis est-ce que ça va en venir à ridiculiser un peu le genre, puis qu'à chaque fois qu'il va falloir écouter un film d'horreur, il va falloir quasiment se distancier par rapport à ce qu'on voit? C'est un petit peu le sujet. En même temps, là tu parles de Arrow, les critiques, les podcasts n'aiment pas vraiment ça, mais tu poseras la même question pour mettons Hannibal ou Penny Dreadful, qui sont peut-être mieux vus par les critiques. Je sais pas, là, ouais. J'ai jamais vu Arrow. Tu sais, je veux dire, parle de Daredevil. Daredevil, le monde va triper sur Daredevil. C'est une question de goût, je pense, au départ. Là, ouais. Okay. Ça y va surtout aussi avec la qualité. T'sais, je veux dire, si le monde sont saturés des films de super-héros, c'est parce que dans les dernières années, on a eu tellement de films de Marvel, mais qui sont tellement inégales dans les qualités. On s'est tapé parfois plus de merde que de bons films de super-héros, qu'à un moment donné, les gens sont tannés. C'est plus ça, ça y va avec la qualité qu'on va avoir. Si toutes les séries d'horreur en ce moment, on a, sont de bonne qualité, mais je pense que le monde reste pas de cette année. Je veux dire, à la date, avec Scream Queen, Walking Dead, moi que j'aime bien, je sais que c'est quand même mitigé, ou d'autres séries d'horreur, American Horror Story, Scream, tu sais, je veux dire, à la date, sont quand même bien appréciés. Fait que tant que c'est bon, il n'y a pas de problème à ce que ça continue, selon moi. Ouais, parce que bah, vas-y. Mais je pense qu'une des clés aussi, selon moi, en tout cas, c'est de choisir ce que tu veux. Mettons, tu parles des séries de super-héros. Moi, je les écoute pas toutes, mais tu sais, tu peux être vite saturé si tu les regardes toutes. Moi, je regarde, mettons, Agent Carter. C'est ce que j'ai regardé l'hiver passé. Puis j'ai trippé là-dessus. Mais ça, c'est mon genre. T'sais, je sais que ça marchera pas avec tout le monde. Mais d'autres personnes vont préférer Agents of S.H.I.E.L.D. D'autres personnes vont préférer d'autres affaires. T'sais. Je pense qu'il faut que tu choisisses dans le bassin de ce qu'il y a. Tu choisis qu'est-ce qui te convient le mieux. Puis pour pas que tu sois saturé non plus. Puis il y en a tellement pour tous les goûts. Il y a tellement des centaines de séries maintenant, puis tu choisis vraiment, je sais pas, tu t'organises justement pour pas être trop saturé en écoutant pas trop non plus. Puis okay. C'est sûr que la série va aller dans un autre créneau. Je pense pas que la série va jamais aller dans le très gore ou dans le super... Ouais, parce que moi, mon point, c'est... Je pense qu'on n'est pas les bonnes personnes pour parler de ce sujet-là, parce qu'on est des connaisseurs, on est capables, on est des gens qui connaissent c'est quoi aller plus loin en regardant une série ou un film, puis on sait quoi regarder quand on va plus loin. Et mon point, c'est Hannibal. Hannibal est une série qui est acclamée par la critique partout sur la planète. Je pense que j'ai lu aucune ou presque pas de critiques négatives, et pourtant, c'est une série qui est annulée après 3 saisons. Mm-hmm. Ouais. Le problème, c'est pas ceux qui aiment ça, c'est ceux qui ne connaissent pas ça. C'est le public moyen et c'est le studio. Si le studio a un produit de qualité, mais qui décide de le passer à 9h un vendredi soir, t'as beau avoir la meilleure série de tous les temps réalisée par Steven Spielberg, ça marchera fuck all. Mais si tu lui donnes une bonne case horaire, une bonne publicité, et que c'est un show qui va être capable d'intéresser le public moyen, peut-être. Moi, j'ai écouté justement de Flash, qui est une série correct, mais qui est pas mal moins bonne que par exemple Gotham ou même Smallville qui est du même genre, mais moi, parce que je suis biaisé, j'aime Superman. Mais c'est un show qui a l'air à marcher. Je pense qu'après 3 épisodes, il y avait déjà une 2e saison, puis ça, j'entends quand même des bons commentaires. Mais on s'entend que c'est pas une série pour les fanatiques. C'est assez léger, c'est assez convenu, c'est ce genre de show que tu as vu un milliard de fois, mais ça marche. Tandis que tu as un show comme Hannibal. Non, vas-y, continue ton idée. Puis alors que tu as un show comme Hannibal, que personne n'a jamais vu ça avant la télé, à part peut-être American Horror Story, qui est un show vraiment... Tu parlais de « Y'a pas de gore ». Écoute la saison 2 d'Hannibal, il y a une scène où il y a une agente qui est slicée comme du jambon, man. C'est écœurant. Mais c'est débile, ça, c'est débile. Oh, oui, non, c'est sûr, ça, tu dis, j'aurais jamais pensé voir ça un jour, je pense à ça sur NBC. T'es comme, le show qui m'offre Scrubs ou n'importe quel sitcom écrit sur le bord d'un coin de table sur un apron qui va m'offrir une série non seulement de qualité visuelle mais aussi d'écriture. Il y a des scènes écœurantes là-dedans, il y a des idées écœurantes, il y a des acteurs. Tout, honnêtement, moi, Hannibal, c'est une de mes séries préférées. C'est ce que l'horreur devrait être au petit écran. Moi, je pense que le monde est prêt à ça, ou presque. Et pourtant, tu vois, c'est annulé parce qu'ils l'ont déplacé une case horaire minable. Le public moyen, je ne sais pas s'il s'intéressait plus ou moins à ça. Je serais surpris parce que je pense que c'est peut-être un peu trop avancé, c'est peut-être un peu trop pas de son temps pour un public normal que genre qui écoute un Grey's Anatomy ou l'Auberge du Chien Noir. Tu sais. Mais, encore là, remarque, à terme québécois, série noire qui devait se faire couper. Et même, pourtant, c'était clamé par la critique, par les écouteurs, les auditeurs, par tout le monde. C'est un show qui est revenu grâce aux fans qui ont juste dit, garde, faut que ce show-là revienne, un peu comme dans le temps Firefly. Family Guy, qui a été annulé aussi. C'est un show de qualité, mais qui est revenu grâce aux fans. Et tu vois, c'est un show qui, tout le monde l'acclame, mais qui doit se faire annuler. Et c'est un show écœurant, un show que tu ne verrais que tu n'as jamais vu ici avant au Québec et que tu ne reverras peut-être jamais parce que qu'est-ce qui pogne ici? L'auberge du fucking chien noir que ça fait 14 ans que le chien n'est pas encore mort. La poule. Mais c'est ça, t'amènes justement t'amène justement à mon deuxième point, qui était le public n'est pas tant que ça au rendez-vous. Et juste ici, à Horror Gamer, j'avais proposé peut-être de faire une émission sur des séries. Puis les gars ont fait « Ouais, mais les séries, c'est plus difficile à écouter. » Mais je me demande, est-ce que justement, on vient pas édulcorer le spectateur? Est-ce qu'on lui donne pas trop d'offres en horreur, puis il va venir à choisir autre chose, par exemple des films qui sont plus accessibles, des films au cinéma ou des films sur Netflix, parce qu'on s'entend que depuis l'arrivée de Netflix, il y a un énorme répertoire d'horreur, on en vient à se demander à quoi sert une série d'horreur. Et moi, une série comme Scream Queens, entre autres, ou juste Scream, mais je me dis, ouais, mais si j'ai pas vu les films, est-ce que ça s'adresse vraiment à moi? Comme moi, la série Bates Motel, j'ai dû défendre beaucoup le fait que t'as pas vu les films, tu pouvais l'écouter quand même. C'est sûr que, personnellement, si vous êtes allé sur mon blog, vous allez voir que moi, la deuxième saison, je l'ai vraiment trouvé à chier, là, la deuxième saison de Bates. J'ai trouvé ça dégueulasse, j'ai trouvé ça édulcoré, j'ai trouvé ça... je trouvais que c'était rendu une série mélodramatique, puis on perdait tout le sentiment horreur. Mais justement, est-ce que c'est parce qu'on trouvait qu'on perdait notre public, parce que les fans de l'horreur ne sont pas au rendez-vous? Est-ce que les fans de l'horreur veulent des films d'horreur? Si Hannibal est annulé après une troisième saison, est-ce que c'est justement pas parce que le fan d'horreur n'est pas là, n'est pas présent? Le fan d'horreur veut vivre une émotion pendant 1h30, 2h, mais après c'est fini, il est pas capable d'être à son haleine et alerté semaine après semaine. Est-ce que ça serait pas ça aussi un problème qu'il y aurait avec la série d'horreur? Je pense qu'on est aussi dans une époque en transition. Le geek a jamais été aussi populaire et aussi puissant qu'il l'est aujourd'hui. V'là 20 ans, t'aurais jamais vu un été complet rempli de films de super-héros juste pour les geeks. À cette heure, c'est possible. Puis t'en mais excuse-moi, je vais juste te couper. Mm-hmm. Le geek, mais on sélectionne notre geek. Oui, c'est sûr. Je veux juste quand même le mentionner, là. Tu sais, je veux dire, moi, à soir, je disais à mes collègues de travail que j'enregistre un podcast, puis t'es comme, c'est quoi? Ah, oh, c'est le fun, t'as l'air à t'amuser. Tu sais, il y a quand même ça, là, faut le dire, là. Faut le dire, c'est que oui, on aime notre geek, mais on le sélectionne, notre geek. On aime le geek qui va faire de l'argent, là, tu sais. Oui, ben c'est ça, mais qu'est-ce qui fait de l'argent? C'est le geek moyen qui va tout flamber, qui va acheter, qui va aller voir le film trois fois, qui va l'acheter après ça en DVD, oui, Blu-ray, oui. Blu-ray 3D. On aime Steven. Fouin, c'est Steven qui fait vivre Marvel. Ah oh non, ça c'est genre de geek là qu'on vise avec. Mais c'est ça, c'est genre d'un geek-là qui a vraiment que de la puissance. Ou, mettons, Harry Knowles, qui est de Any Cool News. Ce genre de geek-là qui est vraiment geek solide, qui est capable de faire mousser de la publicité, qui est capable de rassembler ses autres geeks, puis de dire, OK, ben, nous autres, c'est ce qu'on veut, fait qu'on va nous offrir. Au point où est-ce que là, on nous offre énormément de produits de super-héros, autant au cinéma qu'à la télé. Même chose pour l'horreur, il y a des séries d'horreur pour le geek d'horreur. Donc là, on est présentement le geek qui est capable d'avoir assez de puissance pour dire, bon, on va te proposer des shows sur la télé, mais en même temps, pas assez parce que tu as le public moyen qui, lui, est moins puissant, mais qui est plus nombreux, donc qui a aussi de la puissance avec lui, qui va dire, non, moi, ce que je veux, je suis des shows que du monde s'embrasse puis qui se disent, je t'aime, mais je t'aime plus, mais je t'aime, mais je t'aime plus. Fait que, et comme entre comme un combat entre les deux qui fait que, oui, on peut t'offrir des shows de qualité, mais il faut qu'il y ait assez dans ce show-là pour intéresser la personne moyenne, ou bien parce que tu t'en vas sur des shows, des postes spécialisés comme AMC puis Showtime, où est-ce que l'on peut t'offrir des affaires comme justement là, American Story, Texter, puis toutes ces affaires-là. Fait que, je pense que c'est pas le problème du produit. Je pense vraiment le public et la période de laquelle on vit. Parce qu'il y a des shows sur Showcase, puis AMC, ça marche au bout de tes shows. Là, le show de zombie, là... The Walking Dead? Walking Dead, c'est rendu à quoi? 7 saisons. Super populaire, il y a un spin-off. Mais c'est pas Monsieur, Madame, tout le monde qui écoute Grey's Anatomy qui va aller se procurer ce show-là puis aller l'écouter. Fait que, oui, c'est possible. Hein? Vas-y. Fait que, moi, je pense que oui, c'est possible, mais peut-être pas sur un poste commun. Généraliste. Comme NBC, ouais. ABC, c'est vraiment sur des postes spécialisés. Ben, c'est parce que les postes généralistes vont vivre de la pub. C'est ça. Ils vont vivre de la personne qui l'écoute live là. Tu sais, AMC, tu t'abonnes, tu vas juste enregistrer tes épisodes. Merci, bonsoir. Mais Hannibal, s'il n'y a pas le 10 millions, je dis un chiffre, le 10 millions de personnes qui l'écoutent au moment que ça passe, ben ils vont perdre le publicitaire et ils vont perdre leur argent. C'est ça, moi, c'est mon deuxième point. on en connaît de moins en moins des gens qui vont se mettre devant leur télévision à la même heure, à la même journée pour écouter leur show. Maintenant, tout le monde attend de Netflix, d'acheter des DVD, de binge-watcher en deux jours. Puis ils vont triper autant, mais c'est pas ça qui fait vivre la série. C'est pas, c'est la, comme Sébastien dit, c'est la personne qui est là jour après jour à l'écouter avec les codes d'écoute et pas le gars qui va acheter le DVD puis qui va l'écouter en deux jours. Là. Non, NBC ne feront pas d'argent avec Netflix. Là. C'est ça. Et c'est des peanuts là, ce qu'ils vont c'est faire. C'est ça. Mais c'est ça le modèle d'affaires qui marche présentement. C'est comme, un... comme tu disais, on est en transition. J'englobe plusieurs affaires, mais on est tous rendus peu à peu à lâcher le câble et à s'acheter des Apple TV ou des trucs comme ça. Puis tout le modèle change. La manière qu'on écoute la télé, ça change. Puis ça va changer encore dans les prochaines années. Il n'y a pas de stabilité encore là-dedans. Là, j'ai l'impression qu'on. On, le streaming, surtout. Là. On cherche des moyens. Là, on essaie de trouver des trucs. Là. Moi, je me suis acheté un Roku. Steven s'est acheté un Apple TV. Puis là, c'est ça. Moi, j'ai mon Chromecast. C'est ça. On est tous rendus de même un peu. Puis, mais ça, c'est juste nous autres, c'est les geeks qui comprennent ça. Moi, je ne m'attends pas à ce que ma mère s'ajoute une Apple TV. Ou, non, c'est ça. Comme ça. Ça. On est encore un peu. Tout ça est en changement. Puis c'est pas prêt d'être stabilisé encore pendant encore un petit bout. Là. Puis il y a une chose. Tu veux être sûr que ta série marche, tu ne le mets pas en même heure que tout le monde en parle, puis tu es sûr que ça va avoir un succès. Là. Ouais, bah aussi, tu as plusieurs produits qui vont intéresser monsieur, madame, tout le monde, puis tu as ceux qui vont intéresser les geeks, mais si tu mets, c'est ça, comme je disais, comme Firefly, c'était l'exemple, là, ça, bonne critique par les fans, bonne critique par tout le monde, mais ils l'ont crissé à 9h un vendredi soir. Ils ont scrappé l'heure de diffusion aussi, là, ils ont commencé par le quatrième épisode, genre, quelque chose comme ça. T'sais. Tu as plein d'affaires qui font que si tu as un produit de qualité, mais tu décides de le passer au tordeur, ben, just too bad. Là, c'est plate parce que tu as tellement de bonnes séries qui vont t'intéresser, qui vont jouer de soi-même, mais que ça ne marchera pas, justement, comme vous dites, avec les horaires, que tu vas juste te dire, bon, je vais enregistrer ceux-là, puis ceux-là, je vais l'écouter tout de suite, mais c'est plate parce que l'enregistrement change rien au code d'écoute, puis ça va pas faire en sorte que la série va avoir du succès. Fait que c'est chiant pour ça, c'est qu'il y a trop de choix aussi. Là. Puis oui, si tu l'écoutes live, comme je dis, si tu attends après Netflix ou DVD, ben, ça sert à rien. Ce que je veux soulever aussi, c'est que mon idée aussi de la série télé, c'est que on l'édulcore. C'est à la télé, ça doit passer, ça doit avoir des publicités. Tu as mentionné Dexter, mais on peut en mentionner plein comme Charm. OK, oui, ça reste Ketem, mais ça reste les Charms. Supernatural, c'est des séries qui ont, on a l'impression, pas censurées avec un C majuscule, mais qu'on a quand même des producteurs, puis on a quand même des gens qui sont passés derrière des avocats, puis disaient « Non, ça passera pas. Non, ça passera pas. Ça, mais en moins. Là, il y a un peu trop de sang. Tourne ta caméra. » Tu sais, c'est ça que j'ai peur, c'est que le genre souffre du fait qu'on propose des séries qui vont pas assez loin dans le genre horreur. Oui, Walking Dead, c'est bon, sauf que à une certaine... Oui, c'est assez dégueu, mais on s'entend qu'il y a toujours un creux de saison où ils en mettent moins pour faire plaisir, justement, à cette cote de personnes qui ne vont pas avoir de Chromecast, qui ne vont pas avoir de Apple TV. Je pense, je vois pas ça de même, moi. Moi, je vois ça... Ben, c'est ça. C'est super naturel, moi, je vois ça comme... Je vais faire une parallèle vraiment poche, mais... C'est du pot. C'est la drogue d'entrée dans le genre. T'sais, c'est okay. Assez pour intéresser l'ours moyen... Mais pas trop pour un. Fait que c'est comme entre les deux, puis t'as des shows qui vont être sur des pas spécialisés comme AMC, où est-ce que là tu te dis, garde du gore, on va en mettre en tabarnak comme Walking Dead, que là ça s'adresse plus sûrement au gars qui est rendu à coke, là, puis qui est accro, puis moi ça me prend mon fixe! Ouais, mais les deux sont bien, mais. Tu vas sur Pinterest, tu vas sur les blogs, sur les forums, ce dont on pense, c'est les séries de base, c'est du Doctor Who, c'est Supernatural, c'est. Je sais pas, j'en ai une autre en tête, je l'ai perdu, Sherlock. Sherlock Holmes, Sherlock, mais c'est pas que c'est des mauvaises séries, c'est vraiment pas ça que je veux dire, c'est même très bon, puis j'ai écouté Dexter jusqu'à la fin, puis il y en a beaucoup que j'écoute vraiment assidûment, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ça ne nuit pas justement à se dire, ouais, mais l'horreur, tu sais, on s'entend le nombre de fois qu'on peut voir sur une page Facebook d'un groupe de fans d'horreur, moi, je suis écœurée d'entendre, nommez-moi un film gore, nommez-moi quelque chose qui fait vraiment peur. Là, je suis tannée de voir tout le temps la même chose, nommez-moi qui fait vraiment peur, qui est vraiment gore, vraiment dégueulasse. Mais j'ai l'impression que les séries d'horreur, et là, Hannibal, justement, va une coche plus loin. La détective qui est coupée en rondelles, on s'entend que c'est peut-être débile comme scène. Mm. Et j'ai l'impression qu'on ne se permet pas d'aller assez loin parce qu'on s'est donné un plateau. Puis on reste pris sur ce plateau-là à le plus grand public possible, mais que là, les fans d'horreur en demandent plus, en veulent plus, mais on n'est pas à rassasie. On en manque, on a besoin de plus, puis nos séries d'horreur ne nous en donnent pas assez, mais l'argent est peut-être mis là. Fait, je sais pas si je suis un peu brouhaha, un peu dans mon idée, mais c'est ça, c'est cette idée que est-ce que les séries d'horreur ne nuisent pas un petit peu à l'horreur parce qu'ils n'en mettent pas assez? Je m'excuse, je prends beaucoup de place dans cette discussion-là parce que c'est le genre de discussion qu'on a souvent dans notre podcast. Et je trouve ça vraiment dommage que Danny soit pas là ce soir, mon co-animateur. Là, parce que ça, c'est son. Ce que je vais avancer, c'est son idée chouchou. Là. Le fan d'horreur, c'est un cave. Le okay. fan d'horreur veut des affaires gore, veut du nouveau, veut du changement, veut de l'éclatant. Tu y en offres, le film flop au cinéma. Tu y offres un Goosebumps ou de quoi de vraiment grand public, des millions de dollars. Le okay. fan veut. Mais ne veut pas se déplacer, ne veut pas le payer. Okay. Et quand il a son produit, ben il chiale. C'est pas assez gros. Ah, ben là, c'est okay. trop niaisé. Fait que, ça, c'est, mais ça, je dis le fan d'horreur, mais aussi c'est le fan de super-héros ou de n'importe où. Vraiment le fanboy qui veut l'extrême, en tout cas dans l'horreur, qui veut l'extrême ou du changement, quand tu y donnes, il va trouver le moyen de chialer pareil. Mais ça, c'est pareil dans n'importe quoi. Comme la musique, t'as bien du monde qui va chialer contre un groupe ou un chanteur qui reste tout le temps sur la même formule, puis la journée qu'il décide de faire un changement dans sa musique, ben là, c'est plus comme avant, c'est la crise de merde. Exactement. Le public est difficile, c'est ça qui arrive. Mm-hmm. Oh oui, ben écoute, autant que le fan veut pas qu'on change sa série, mais autant qu'il voudra rien savoir d'un remake, tu sais. Mais pourtant, ouais. le remake, s'il y a bien quelque chose qui va rester fidèle, c'est ça, tu sais. Puis, Colin, j'avais un lien que je voulais faire. Mais il y a quelque chose avec les séries aussi qu'on va voir parfois, c'est ils vont être sabotés. T'sais, oui, oui. C'est, puis soit par le channel, soit par les auteurs ou tout ça. Je pense à Heroes, là, qui était la série quand la première saison était sortie. Tout le monde criait « meilleure série ever, ça va battre tout ». Puis là, tout à coup, pff, deuxième saison arrive, c'est saboté tout au complet. Il n'y a plus personne qui suit ça. C'est en train de faire un flop. Même chose avec Lost, où au début, tout le monde est comme « Ah, c'est malade! » Puis là, tout d'un coup, pff, Lost, il vient de tout perdre. Au pire, le film, s'il y en a un mauvais dans une série, c'est pas grave. Mais on dirait qu'une série télé, si tu t'es planté une fois, une saison, deux, trois épisodes, tu viens de perdre tout le monde. Ben ça, parce qu'une série CD, c'est longtemps, là. Fait que faut que tu ouais. tiennes ton monde pendant 24 épisodes sur pendant 10 saisons. Oui, mais c'est ça que je parle de contraintes, c'est ça que je veux dire. Si on a une super bonne idée, pourquoi on se dit pas, OK, regardez, donnez-nous l'idée, on va faire trois films incroyables. Non, à la place, on se dit, on va le développer en série télé, mais à un moment donné, il y a un creux, ça fait des moins bons épisodes. Pourquoi on se dit pas, on va rassembler ça, puis on fait trois films, donnez-nous l'argent pour trois films. Ben parce que la série télé, c'est le fun aussi. C'était... une des choses que je déteste le plus, c'est d'écouter un film, ça dure deux heures, puis me dire, Chris, je n'aurais pas un autre deux heures. Mm-hmm. La série télé peut t'offrir ça. Tu as 12 épisodes, 24 épisodes, 3, 4 saisons, 10 saisons. Fait que, tu sais, quand t'aimes un personnage, quand t'aimes une idée, tu peux la développer longtemps. Mais là, le problème, c'est que t'es pogné avec tes idées. Tu sais, tantôt, Sébastien nommait Heroes puis Lost. Le problème de ces shows-là, c'est que c'est des shows écœurants avec des idées écœurantes pour deux saisons. Mais là, après ça, le show de la popularité, ben là, t'es pogné pendant 5-6 saisons, mais tu n'as plus de crédibilité, puis t'es tellement pogné dans un coin que tu peux plus t'en défaire. Puis là, ça a été ça. Ils sont pognés dans un coin solide, puis à la fin, t'es comme, ben, on est pogné là. Heroes, c'est un peu le même principe. La première saison, écœurante, mais une des premières meilleures saisons ever. Mais après ça, on dirait qu'ils ont perdu de l'idée. Ils ont perdu l'essence de la première saison. C'était durant la grève des scénaristes c'est ça, aussi. C'est ça, c'est pour ça. J'étais là, il faut qu'on te coupe quand même pour vraiment mentionner que Heroes est. Lost, ouais. On souffre de la grève des scénaristes. Là, Steven, je te laisse dans ton idée. Là. Non, mais c'est ça. Mais la télé et le cinéma, c'est deux médiums différents. Puis je pense qu'il faut réajuster nos attentes aussi. Il ne faut pas attendre la même chose des deux. Il faut que tu les regardes pour des raisons différentes. Tu ne regardes pas un film d'horreur de la même façon que tu regardes une série d'horreur, je pense. Si les gens font cette erreur-là, c'est un peu leur problème. T'sais. C'est ça. Un film, c'est un 100 mètres. Une série d'horreur, c'est un marathon. Là, exact. T'sais, des fois, tu dis, pourquoi on pourrait pas mettre ça en trois films? Mais même en trois films, des fois, c'est pas suffisamment long. T'as des séries qui vont jusqu'à 5-6 saisons. Tu sais, regarde, Breaking Bad, moi, t'enlèves aucune saison. Pour moi, les 5 saisons, c'est de la bombe. Puis trois films, ça n'aurait pas été suffisant pour développer tout ce qu'il y avait à développer au sujet des personnages. Fait que des fois, c'est mieux de le faire en série qu'en trois films. Ça aurait été films. Plus gore, mais ça aurait pas été aussi... aussi bon. Ben, tu sais, même là, je veux dire, le gore, t'es pas obligé d'en mettre autant, puis ils sont pas si limités que ça dans les séries. Je veux dire, Walking Dead, là, la plupart des scènes gore que j'ai vues là-dedans, ça allait plus loin que tout ce que j'ai vu dans les films d'horreur au cinéma dans les dernières années. Même si ils ont la carte blanche facile, là. Moi, quand je pense à Walking Dead, saison, je pense, 5, il y a une scène avec deux enfants, là, un épisode avec deux enfants. Ah, oui, c'est incroyable. Toi, moi, Walking Dead, j'ai jamais trippé, jusqu'à cet épisode-là. Cet épisode-là, tu dis, OK, non, ils ont de quoi eux autres. Et enfin, ils vont plus loin que juste, on tire des zombies, puis les humains, c'est méchant. Ils développent un concept sur la mentalité, sur comment tu peux virer fou avec ça. Puis Breaking Bad, ben là, c'est un concept. T'sais, c'est beau, c'est pas si gore, mais c'est pas ça le but non plus. Et ils ont été quand même assez loin avec leurs idées, puis avec leurs principes et tout ça. Tu sais, comme il y a un épisode où est-ce que Walter menace un enfant, tu te dis, Chris, t'aurais pas vu ça sur ABC, là. Mais les autres, ils y vont. Mais rendu là aussi, c'est une chance de Breaking Bad, parce que c'est une idée de génie. C'est ce genre d'idée que tu vas avoir une fois dans ta vie, puis tous les éléments sont réunis pour que ça donne vraiment du masterpiece, mais c'est pas toutes les séries qui vont avoir ça non plus, là. Mm-hmm. Mais Breaking Bad l'a eu. Fait que, oui, en trois films, ça n'aurait pas été bon. En 10 saisons non plus, ils ont vraiment aussi... Puis c'est ça aussi, des fois, faut que tu comprennes que faut que tu arrêtes au bon moment. Breaking Bad aurait pu se dire, on va faire 15 saisons, c'est tellement populaire, mais non, ils ont dit, garde, nous autres, notre histoire est là, si on continue, on va se tirer dans le pied, on arrête ça là. Je pense que 5, c'est une bonne durée, 5 saisons. Là. Ouais. Mm-hmm. Il y a bien des saisons qui sont décrites pour ça. De quoi? Ça dépend des séries. Ouais, aussi. Il y a des séries qu'on en prendrait encore. Non, mais tu sais, gars, je regarde Castle, moi, pour le fun. Ils sont rendus à 8e saison, j'en prendrai encore 15. Là, ça me dérange pas. Non, mais pas, là, c'est là c'est je comme mettre des pantoufles à tous les lundis soirs. Vas-y, Sylvain, si pas... parle de Place Melrose. C'est ça que tu veux dire? Non, mais Place Melrose, j'en prendrai encore 10 ans de ça. Non, mais c'est comme Buffy, je pense que c'est à la saison 5 qu'elle meurt. Ouhou, spoilers. Mais c'est ça, je pense que c'est à la saison 5 qu'elle meurt, puis ils remettent deux saisons de plus après, mais il était le fun les deux autres saisons d'après. C'est quasiment les meilleurs. C'est ça. En mais quoi, Buffy, en même temps, c'est différent. C'est tellement over the top. En tout cas, moi, Josh Whedon, tu ne m'auras jamais rien dit de négatif sur ce gars-là. Là. Il est capable toujours de trouver des idées, puis de faire de quoi différent. C'est juste... C'est ça, saison 6, tu te rajoutes un personnage comme si c'était là depuis la première saison. Personne qui a jamais pensé à faire ça, là. C'est du génie. Ouais. Ben c'est ça, tu sais, je veux juste conclure avec l'idée que je suis pas du tout contre les séries d'horreur, puis je les écoute pas mal toutes, puis j'adore ça, puis c'est moi qui veux vraiment faire des épisodes d'Horreur Gamer sur les séries d'horreur, parce que je trouve que c'est riche. Mm-hmm. Surtout, je pense, j'ai vu que quelques scènes du dernier... American Horror Story, et on dirait que l'hôtel est filmé comme The Shining, donc j'ai vraiment rien contre ça, mais pas du tout. C'est juste que je trouvais intéressant de soulever l'idée que la série d'horreur fait son apparition, mais de plus en plus présente. Elle est vraiment, elle est un choix télévisuel, elle est là, elle est présente, elle fait sa place, et à différents degrés. C'est pas juste le gore qui rentre en ligne, mais c'est vraiment à différents degrés d'horreur, la série prend sa place, puis je trouvais ça intéressant de quand même le mentionner, puis de voir quel rapport vous entreteniez avec la série, c'est tout simplement ça. Tu sais, on peut en faire des épisodes d'Horreur Gamer sur des séries, puis je pense que chacun de nous autres, on en écoute toutes des séries, mais c'est ça l'affaire, on écoute toutes des séries différentes quasiment. T'sais. C'est ça, hein? Puis il y en a tellement pour tous les goûts. T'sais, moi, j'écoute Penny Dreadful, j'écoute des trucs comme ça, tu sais, puis il y en a d'autres qui vont écouter justement les autres. Tu sais, t'écoutes Bates, t'écoutes... Ouais, on a écouté Scream, on a écouté Hannibal, mais... Parlant de Scream, je voulais justement répondre à Vicky. T'as pas besoin de voir les films, ils font jamais référence aux films, c'est une histoire complètement différente. Mais faut que tu convainques le monde, c'est ça que je veux dire. Moi, oui, moi ça me dérange pas, je suis curieuse de nature, mais faut que tu convainques le monde, ça a le mot Scream quand même. Tu sais, je me réfère à Bates Motel, il fallait que je convainque le monde quand même. Ouais, mais il y a bien du monde qui s'en calisse de ça. Combien de personnes qui ont été voir Décadence 5 et qui n'avaient pas vu les autres auparavant, ou même chose pour Paranormal Activity, qui n'ont pas vu les précédents? Ça, comprends pas ça. Mais non, c'est ridicule, ça suit, mais il y en a bien qui le font et qui s'en foutent. Steven, mon chum hier, il y avait Insidious 2 qui part à télé et il dit « Je comprends rien, je dis, David, c'est Insidious 2. » Tu vois, je pense que j'ai pas vu le premier. Non, t'as pas vu le premier. Il y a ça aussi, il y en a qui vont au cinéma puis ils savent pas trop ce qu'ils vont voir aussi. Ah, mais puis ça, c'est pas un bon exemple, parce que même si t'as vu les 7, tu comprends pas plus rien. Mais il y a une série qu'on n'est pas obligé d'avoir vu les autres saisons pour comprendre. Et là, je fais un lien vers toi, Sylvain. Ben oui, moi, j'ai vu American Horror Story Freak Show. C'est ce dont je suis venu vous parler aujourd'hui. C'est la quatrième saison, ça, hein? C'est la quatrième saison. Moi, je suis celui qui ruine les finances des réseaux parce que je les écoute toutes sur DVD. Puis, mais de toute façon, honnêtement, moi, c'est une série... J'en avais déjà discuté avec Jean-François, mais moi, particulièrement American Horror Story, je me vois mal m'installer devant ma télé à chaque semaine pour suivre ça. Moi, j'ai besoin de les écouter là, en rafale à chaque fois. Et donc, oui, J'ai regardé ça, Freak Show. Ça raconte, ça se passe dans les années 50. Ça raconte évidemment l'histoire d'une troupe de cirque, enfin de gypsies, j'ai envie d'appeler. Puis ce sont des freaks, on appelait à l'époque des freaks, donc des gens qui sont mal formés. Et ils ont tous des histoires vraiment intéressantes. Ils sont tous vraiment attachants. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette saison-là. Le reproche que je ferais, j'ai beaucoup réfléchi à cette saison-ci, parce que pour la cinquième saison, Jessica Lange a dit « OK, je vais me retirer ». Moi, j'ai dit « Cool! Oui, fine! Retire-toi un peu parce que tu es vraiment trop présente dans cette série-là. Moi, j'avais vraiment trippé sur la première saison. Puis, je me suis rendu compte que dans la première saison, c'est un personnage secondaire. Puis, ça marche. C'est vrai. C'est un personnage vraiment intéressant. Je dis un personnage parce qu'elle reprend tout le temps quand même un peu les mêmes schémas. C'est un personnage détestable, mais qu'on finit par aimer. En personnage secondaire, ça fonctionne vraiment très bien. Mais quand c'est le personnage principal, ça marche moins. Puis, c'est ça. Donc, malheureusement, Freak Show y échappe pas. Cependant, les autres personnages autour ont vraiment beaucoup de jus. Puis moi, je le dis tout de suite, là, mis à part la première saison, parce que la première saison, c'était « Wow, OK, c'est ça, cette bébite-là. » C'était le choc. Je suis tombé en amour avec cette série-là. Mais honnêtement, sinon, la saison 4, c'est ma préférée. OK. Moi, je la trouve vraiment, vraiment bonne et vraiment, vraiment solide. C'est définitivement, de toutes les saisons, c'est définitivement la plus focussée. C'est celle où on sait, les auteurs savent vraiment où est-ce qu'ils s'en vont. Des fois, quand je pense à la saison 2, qui est excellente, toutes les saisons sont très bonnes. Mais quand je pense à la saison 2, c'est comme les extraterrestres, Hitler, Anne Frank, c'est tout en même temps. Puis à un moment donné, ça finit par donner quelque chose, mais c'est très chaotique au début. Freak Show, c'est pas ça. C'est vraiment plus focusé, puis c'est vraiment très intéressant. Et contrairement à la saison, la troisième saison, où c'était vraiment deux groupes de sorcières qui se faisaient la guerre, dans cette saison-ci, c'est un groupe de freaks, mais c'est une implosion, finalement. C'est les freaks entre eux qui se lancent des flèches et qui s'autodétruisent. Puis c'est vraiment intéressant comme thème. Par contre, il y a un petit truc qui commence à me gosser, c'est l'espèce de triangle sacré qui est Jessica Lange, Evan Peters, puis Sarah Paulson. Ouais, c'est les trois acteurs vraiment principaux. Puis maintenant, rendu à la saison 4, ben, on n'a pas vraiment trop peur pour eux parce qu'on le sait que ça va bien finir pour tout le monde. Puis c'est comme les trois personnages sacrés. Ben, pas les personnages, mais les trois acteurs sacrés. Puis on doute pas. Ils disparaîtront pas au troisième épisode. C'est ça. Puis je trouve ça dommage parce que s'ils disparaissaient au troisième épisode, on serait surpris. Tu sais, ça nous changerait un peu. Pas nécessairement. Dans saison 3, Evan Peters, il n'y a quasiment rien à faire. Là. Il est là très, très, très secondaire, quasiment tertiaire. C'est pas. Mais il est quand même là pour faire plaisir. Ouais, il est là tout le long de la série, mais il n'y a pas beaucoup de temps, contrairement à une saison 2 ou 4. Ouais. Mais je comprends. Il faut que tu comprennes, c'est con, là, mais c'est un boy toys aussi. Qui est assez rare. Je veux pas créer de malaise, là, mais c'est juste. Quoi? Un boy toys. Au lieu d'avoir juste une fille qui fait pas grand chose, pour une fois, c'est un gars qui fait pas grand chose. C'est à peu près ça, un peu son rôle dans la troisième saison. Oui, parce que la saison 3, c'est Girl Power. Oui, ouais, c'est ça. Mais c'est juste parce que souvent, dans les films, il y en a plein qui me viennent en tête où la fille sent pas grand chose, excepté donner les cocktails, puis les verres de vin, puis sourire en robe longue. Mais là, c'est un peu son tour. Ah non, c'était Marc-Antoine qui disait ça. Ouais. Mais c'est juste ça, je voulais juste le souligner qu'il y a un rôle de potiche, mais c'est un bon rôle de potiche, faut le comprendre. Ouais. C'est juste ça. Mais moi, tu vois, la saison 3, c'est celle que j'ai la moins aimée. Parce que là, à un moment donné, c'est comme le shock value. Il y a comme une limite à ce que je peux accepter. Là, quand c'est rendu que la mère purifie les péchés de son fils avec une sonde anale, en nettoyant. Écoute, là, c'est n'importe quoi. Là. Ça devient vraiment n'importe quoi. J'ai vraiment apprécié une espèce de retour aux sources de Freak Show. Puis Kathy Bates, là, elle est extraordinaire dans cette saison-là. Moi, j'en reviens pas comment cette femme-là peut réussir à livrer un monologue touchant, larmoyant, qui vient vraiment bouleverser plein d'émotions chez le spectateur, avec une fucking barbe fake d'en face. Avec la barbe de Timmy dans Petite Vie. Hein. Oui, mais on s'en fout, on la voit même plus, on embarque dans son personnage, puis on la suit. Franchement, c'est vraiment une très grande actrice. Puis elle fait vraiment quelque chose de très différent de ce qu'elle avait fait la saison d'avant. Puis c'est ça que j'aime aussi. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs acteurs qui reviennent à chaque saison, puis ils sont complètement transformés à chaque fois. Mon Dieu, son nom m'échappe. Frances Conroy? Ça? Oui. Oui. Oui, c'est ça. Elle, écoute, dans la première saison, c'était la bonne sexy, mais rendue vieille. Dans la saison 2, c'était l'ange de la mort. Là, dans cette saison-ci, elle est la mère d'un espèce de psychopathe, qui est un psychopathe vraiment intéressant. Là. C'est le fils à papa qui a toujours tout eu, ben, le fils à maman dans ce cas-ci, qui a vraiment tout eu dans la vie, puis que, écoute, il boit son gin dans un biberon. C'est un enfant qui a trop grandi. Il est excellent. C'est vraiment le meilleur vilain, je pense, que la série a pu avoir. Franchement, je sais que, je pense, Jean-François, tu avais cessé de l'écouter en cours de route. Après 3 épisodes, je pense. Ah, mais je t'incite vraiment à poursuivre. Franchement, c'est la saison... J'ai envie de dire que c'est la saison la plus forte jusqu'à maintenant. Ah ouais. Moi, en même temps, ça dépend des goûts, comme n'importe quoi, parce que moi, la saison 3, c'est ma préférée, tu sais, fait que Scream Queens est venu répondre à mes rêves les plus fous, parce qu'ils ont comme transposé le côté camp que j'adorais de la saison 3, tout ce qui se passait dans la maison avec Emma Roberts et tout ça, puis ils ont comme remis ça dans Scream Queens, puis comme, je suis super heureux avec ça, tu sais. Moi, JF, je te dis... La première saison, il y avait une couple de séquences, de scènes dans la première saison qui étaient franchement effrayantes. Là. Mm-hmm. J'ai vu des bons scares, une bonne tension. La deuxième, un petit peu moins. La troisième, plus pantoute. Dans la quatrième, ça dit quoi? C'est parce que c'est vraiment... C'est quasiment pas horreur. C'est tellement humain. C'est tellement plus le côté humain de ces personnages-là. Ah, oh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'horreur. C'est vrai, il y a énormément de références. Clown maléfique, là. Ouais, ouais, ouais. T'as une super belle référence à Halloween. T'as des références à American Psycho. T'as vraiment toutes sortes de choses pour plaire aux fans d'horreur. Mais... Je te dirais que tu risques pas d'être... tu vas pas faire des cauchemars. Tu vas plus penser à ces personnages-là puis à ce qu'ils vivent, tu sais. La 1 est unique, de toute façon. Là. Ouais, hein? C'est la 1 a fait quelque chose que j'avais jamais vu à TV. Là. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir pour Hotel, si je peux finir là-dessus. Encore une fois, je l'écouterai pas cette année. Je vais attendre les DVD. Mais ça, c'est une saison que j'attends vraiment avec impatience parce que justement, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment brassé les dés puis ils arrivent avec quelque chose d'assez différent. Donc, j'ai très hâte de voir ça. Excuse-moi, vas-y. OK. Ben, c'était pas grand-chose. Je veux dire, je suis tellement d'accord avec toi. American Horror Story, c'est moi aussi une série que je suis pas capable d'écouter semaine après semaine. J'ai essayé de les enregistrer sur mon DVR à maison puis de vraiment... y aller, mais à chaque fois, on dirait que j'accroche pas. Il y a deux séries dans toute ma vie que ça a fait ça. Celle-là, puis How I Met Your Mother. On dirait que How I Met Your Mother, même affaire. Non, mais t'écoutes un épisode, t'en trouves pas drôle. T'écoutes la série, t'es accro, puis tu peux pas arrêter. Mais American Horror Story, c'est la même chose. T'écoutes un épisode, puis t'es tellement mélangé, puis tu sais tellement pas ce que ça s'en va, que tu trouves ça moyen. Mais un coup que tes épisodes, tes écoutes en rafale, c'est vraiment plus intéressant parce que tu comprends les liens où les scénaristes s'en vont, puis les liens qui viennent d'un à l'autre. Tu sais, comme moi, j'ai pas aimé la saison 3 tant que ça, mais j'ai adoré Kathy Bates. Mais en l'écoutant en rafale, ben, je gardais les moments Kathy Bates, puis j'oubliais un peu le reste. Il y a ça aussi, là, de l'écoute en rafale, c'est que tu vas aller chercher tes meilleurs moments. Mais la saison 1, j'ai pas pu m'empêcher d'écouter en rafale, parce que justement, le côté mystérieux des premiers épisodes où tu sais aucunement où c'est que ça s'en va, puis qui est qui, ça m'intriguait suffisamment pour tout de suite vouloir écouter les autres épisodes. Je trouve qu'un coup, tu connais un peu la trame où c'est que ça s'en va, mais là, j'ai commencé à moins les écouter en rafale, puis j'ai étalé la saison 1 un peu plus longtemps à cause de ça par la suite. Là. Ben, c'est ça. Avais-tu... Ouais, ben moi, je l'embarquais un peu sur mon opinion. Oui, je l'ai vu American Horror Story 4. Il me reste 2-3 épisodes à écouter et je te dirais que moi, c'est ma pire saison au point où je me force pour la finir. Oh, pour parce que je veux la finir. Je ne suis pas capable. Premièrement, j'aime beaucoup Jessica Lange, mais ça commence à me tanner qu'elle ait toujours le même rôle. Parce que c'est ça, c'est, elle a toujours le même rôle. C'est toujours le même personnage, mais il change le nom puis son linge d'attitude. Ah, et là. C'est ça, et je commence à être un peu tanné, et je trouve ça dommage parce que tous les autres acteurs qui reviennent saison après saison ont toujours des rôles différents. Evan Peters a eu un range différent de personnages à jouer, Sarah Paulson aussi, Jessica Lange toujours la même. Et je veux la voir dans d'autres choses, montre-moi-la vulnérable, montre-moi-la différente, montre-moi-la sympathique, et là-dedans, elle me fait juste me taper sur les nerfs. Et je trouvais que c'est la saison où les personnages sont le moins intéressants. Le seul qui me tente de suivre, c'est Sarah Paulson, la femme siamoise. Je trouve que c'est le personnage qui a le plus de chair autour de l'os. Pas parce qu'ils sont deux. Mais je trouve le personnage le plus intéressant. Mais ils font pas beaucoup avec elle. Je trouve, à un moment donné, même, il y a un épisode où ça voit même juste plus. Là. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est elle que j'aurais mis l'accent sur la série. Puis non, ils continuent toujours à mettre ça sur Jessica Lange puis toute sa gang. Là. Les personnages intéressants sont mis de côté. Celui qui a plein de tatous puis qui a 2 mini-bras, il était écœurant, ce personnage-là. Tu te vois presque pas. Toutes les vrais freaks, tu les vois pas. Puis tu vois juste des semi-freaks que tu te crisses solide. Mais ça, je comprends un peu la décision dans le sens où ces vrais freaks-là, c'est pas forcément des acteurs. Fait que je suis pas sûr non. que j'aurais mis la série sur leurs épaules. C'est, non, je comprends, mais c'est les personnages les plus intéressants. Mm. En tout cas, moi, c'est ça, celui que je parle avec les bras raccourcis. Son personnage est écœurant, puis l'acteur est super bon, là. Mm. Je sais pas si c'est un vrai acteur, puis ils ont juste... Parce que les effets... Aussi, moi, mon seul point préféré là-dedans, c'est les effets spéciaux et la réalisation. Encore là, peut-être parce que c'est mon personnage préféré, mais tous les plans dans lesquels tu vois la siamoise sont géniaux. Ils vont toujours jouer avec les caméras, mettre la caméra sur la tête de une, mais mal le cadrer pour montrer qu'elle est à gauche, elle est à droite. Des fois, ils vont jouer avec le montage que tu vois la tête de gauche. Après ça, ils vont faire une image qui glisse d'un autre personnage qui parle pour te ramener encore l'image qui glisse pour montrer l'autre tête qui va parler. Quand tu vois les deux en même temps, l'effet est écœurant, c'est super bien fait. Fait que, ça pour ça, la réalisation est vraiment solide, puis ils jouent beaucoup avec ça grâce à ce personnage-là, mais aussi avec d'autres personnages. Mais c'est la seule qualité que je pourrais trouver parce que, encore là, le personnage du clown maléfique, je le trouvais cool. Il amenait un ton complètement différent au reste de la série, puis il disparaît. Cependant, cet épisode double-là, où est-ce qu'il y a un personnage joué par Wes Bentley qui apparaît, c'est les meilleurs de la saison. Ces deux épisodes-là, c'est écœurant. Ils voient l'histoire justement de plusieurs personnages, dont des moins connus. Puis c'est génial. Moi, j'ai adoré ça. Mais c'est ça. Après ça disparaît, puis ça redevient. Et moi, je suis vraiment déçu de ça. Honnêtement, les épisodes doubles comme ça, il y en a toujours. Il y en a un par saison, puis c'est toujours l'épisode d'Halloween, finalement. Mm-hmm. Puis c'est toujours les meilleurs épisodes. Ouais. Là-dedans, c'est les seuls bons épisodes. Mais l'épisode de Noël aussi, d'habitude, sont assez bons. Non, ok. Honnêtement, c'est parce que moi, je les écoute sur DVD, fait, je sais pas si c'est lequel de Noël. Ouais. Celui d'Halloween, je le reconnais parce qu'il est tout en double. Tout en deux parties. Ok. Mais tu sais, comme Noël, dans l'asile, il était bon là, avec le Père Noël. Honnêtement, l'asile, là, c'est aussi bonne que la première, à mon avis. C'est différent, mais fait que l'asile aussi touche juste pas. Là. Même la 3, c'est à part la 4e, là, c'était la moins bonne à mes yeux, mais du moins bon, American Horror Story, c'est quand même supérieur à toutes. Ouais. Jusqu'à saison 4. La saison 4 a tout fucké mon analogie, là, parce qu'elle est vraiment mauvaise. Là. J'aurais jamais pensé me forcer pour la finir. C'est vraiment mauvais. Je suis vraiment désolé, là, mais c'est non, c'est... Puis ce que j'ai su, c'est que ça, qu'avec la 5, ils ont décidé de changer les caps, réorganiser leur série, comment ils font ça. Là. Puis je suis d'accord parce que la 1, 2, 3 était 40, puis c'est super bon, mais la 4 là, était tellement mauvaise que je pense qu'ils sont rendus à du nouveau, là, d'essayer de quoi différent, puis mettre Jessica Lange de côté, ou du moins donner-y quelque chose qu'elle montre qu'elle a plus de talent que de jouer la bitch que tout le monde te crisse. Hein. Mais moi, honnêtement, c'est niaiseux, là, c'est du patinage, puis ça n'a pas rapport, mais elle joue tout le temps l'alcoolique un peu, tantôt gentille, tantôt... Je me demande si elle est si bonne que ça, ou si c'est juste une alcoolique, puis qu'elle ouais. Voir, tu sais... Je veux dire, elle boit tout le temps backstage, fait que bon, mais rendu saoul, on va la faire boire. J'avais l'intention qu'elle joue un personnage clean, mais là, non, on va réécrire la scène. Eh non, mais je l'ai vu, Jessica Lange, récemment dans la biographie de Patty Cline, puis c'est le même personnage, c'est oh. Patty. Oui, c'est drôle, mais tu sais, c'est des mesquineries que je raconte. Là. C'est une très bonne actrice. Là. La série complète est créée sur ses épaules pour qu'elle soit toujours l'héroïne, mais ils ont changé d'idée. Pour qu'elle soit, pour qu'elle soit toujours seule. Faut que ce soit une alcoolique. Elle est très bonne, fais-la boire. Je me représente tellement dans cette femme. T'es déjà fait enlever par un gorille géant? T'as pas vu mon chum. Ah, OK. Hey, mais dans le fond, là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que écoutons-la et faites-nous notre propre opinion parce que là, on a quand même deux extrêmes. Oui, oui. Ouais. Je pense et que chaque saison d'American Horror Story va être comme ça. Il y a tout le temps des gens qui vont la défendre, qui vont dire qu'elle est meilleure que les autres, puis il y a d'autres personnes qui vont moins les aimer. Ça, chaque saison touche des cordes différentes, donc il y en a pour tous les goûts. Ouais, mais t'as raison là-dessus. Là. C'est sûr que si on parle de la troisième saison, le truc des sorcières, moi, au départ, c'était tellement pas un sujet qui venait me chercher. Je partais avec une prise. Toi, JF, tu disais le côté camp, t'avais séduit direct au début. Moi, c'était comme un turn-off. Là, mm-hmm. Fait que je pense que c'est un peu ça, le piège et la réussite de cette série-là. Bon, ouais, ça vient toucher tout le monde à différentes places. Là. Yes. Hey, on aurait déjà fini notre premier tour de table. Mm-hmm, déjà? Yes, déjà, ouais. Mais on va y aller en musique avec une chanson choisie par notre copain Monsieur Paulus. Et on va se revenir après. Dom, qu'est-ce que tu avais choisi pour nous? Oui, alors vu que je parle de deux films qui sont assez méta et donc qui les deux mettent toujours l'accent sur comme quoi c'est important dans un film d'horreur, ça prend des jeunes qui fourrent. Alors je me suis dit pourquoi pas rendre honneur au fourrage et avec la toune Fourré de mon oncle Serge. Ben écoute, on va aller écouter Fourré puis on revient. Inspecteur, je me mets à table, j'avoue tout, je suis coupable. Cessez, messieurs les constables, de fesser sur mon être lamentable. J'ai une urgence, j'ai besoin d'une ambulance, j'ai besoin d'une sirène qui crie. J'ai la fièvre, j'ai besoin d'une paire de lèvres où mon gland puisse cracher du blanc. Parce que fourré, c'est une fatalité, c'est ma finalité, c'est ma raison d'être. Ce mot de cette lettre qui veut dire se mettre, j'en suis l'esclave soumis, je lui obéis. Que la Fédération des femmes et la Sainte Vierge me pardonnent, j'ai tout essayé pour rester dans les bornes de la bonne pensée socialement acceptée. Mais rien à faire, je ne suis qu'une machine à fourrer. Quand je vois une bonne pensée, j'aimerais bien penser à la noble créature que tu as créée, mais non! Je spot ses tatons, j'imagine sa pilote dans ses petites culottes, je veux tirer ma botte. Pitié, Monseigneur Turcotte, sortez votre coupillon! Chassez le démon de ce pauvre garçon qui me fourrait. C'est une fatalité, c'est ma finalité, c'est ma raison d'être. Ce mot de cette lettre qui veut dire se mettre, j'en suis l'esclave soumis, je lui obéis. La fourrée, fourrée, fourrée, fourrée. L'autre jour, je suis venu pour fourrer Jacinthe Durand. Mais malheureusement, je suis venu à flanc dans mes sous-vêtements. J'ai passé le reste de la soirée à licher sa plotte. À moi, jamais rappelé, je t'apporte assez hot. Depuis ce jour, quand je me crosse, je pense à elle. Je revois son vagin, ses seins et le rouleau de cotonnelle. On te le dit que je m'essuie. J'ai besoin de la poitrine ou de la nuit mouillée. J'ai besoin de fourrer. Sa rue Saint-Denis n'est déteinte. À chaque coin de rue, c'est la torture. Mes yeux brillent, c'est plein de petites filles. Y'en a pas gros que j'ai pas le goût de fourrer. Mais pour faire semblant de passer à autre chose. À politique, aux grandes causes. Aux handicapés, aux millions de familles. Mais en fait, des oreilles, il n'y a aucune idée. C'est l'idée de fourrer. C'est une fatalité. C'est ma finalité. C'est ma raison d'être. Ce monde est cette lettre qui me dit une semaine. Je suis l'esclave soumis. Je lui obéis la fourrer. Fourrer. Fourrer. Un jour j'irai dans le grand nord. Où il n'y a que des renards. Tout sera fait. Au sommet de la terre, je mets à l'esprit. Au confin de la terre de ma fin. Pas de Stéphanie, de Fanny, de Mélanie. Pas d'Isabelle, pas de Suède, Prince Ariel. Pas de Knot dans le permafrost. Pas de tourbe dans la toundra. Là-bas dans la froidure, marée de fer dur. Va faire de la philosophie pis de la littérature. Va être bien loin, pas de pitoune nulle part. Quand j'aurai de l'argent, m'en aller dans le nord, j'aurai plus de remords. Les couilles gelées pour l'éternité, j'aurai plus jamais envie de fourrer, plus jamais envie de fourrer! Bienvenue au meilleur show de tous les temps que vous avez écouté entre vos deux oreilles. Et là, je dis ça parce que je suis là. Donc, deuxième tour de table, on va parler de deuxième film qu'on a chacun choisi pour ce podcast-là. Donc, on va commencer avec Steven. De quoi tu voulais nous parler en deuxième? Ah, je m'en doutais. Je voulais parler d'un petit film qui est un peu moins connu que Goosebump et c'est When Animals Dreams. C'est un film de loup-garou. Et ça se déroule sur une petite île isolée dans un petit village de pêcheurs dans le nord-ouest du Danemark. Et on va suivre une jeune adolescente du nom de Marie qui vit avec ses deux parents, sa mère qui est atteinte d'une étrange maladie qui l'empêche de parler et elle est en chaise roulante, et de son père qui veut jamais lui mentionner en fait qu'est-ce qu'elle a exactement comme maladie, puis qui reste assez silencieux sur ce sujet. Et elle va finir par se trouver un petit emploi dans une usine de poissons. Elle va tomber amoureuse et au courant des jours à venir, elle va développer des symptômes vraiment étranges sur son corps. Elle va avoir des plaques et elle commence à changer. Fait qu'au courant, elle va essayer de se renseigner et d'enquêter sur le passé de sa famille et de comprendre ce qui se passe dans sa vie. En fait, cette année, plutôt dernièrement, je trouve qu'on est quand même gâtés en termes de films de loup-garou. C'est comme revenu en grosse mode. En grosse mode, on a eu comme plusieurs films cette année, assez inégal. On en a eu des très bons comme Leatherface, ou on en a eu d'autres qui sont un peu plus chaotiques. Je pense notamment à Where. Puis, One Animal's Dreams, je le comparais surtout à la version loup-garou de Let the Right One In, qui est un de mes films favoris, puis je trouvais qu'il réadaptait le mythe du vampire de manière vraiment originale puis intéressante. Et je trouve que le réalisateur, qui se nomme... je l'ai perdu, je l'avais pris en note. Qui se nomme Jonas Alexander Arby, qui était un assistant de Lars von Trier sur la plupart de ses films, tente avec son premier film de jouer de la carte du film d'auteur un peu, puis de changer les codes du genre avec le film de loup-garou, ce qui donne un film vraiment intelligent et très léché visuellement. C'est pas étonnant, comme je disais, vu qu'il avait travaillé avec Lars von Trier, il va chercher un peu le même ton de couleur. C'est très gris, très brouillon. Il y a beaucoup de brume dans le film. Le fait que le décor se situe sur une petite île dans le Danemark est vraiment bien choisi. Et le réalisateur l'a surtout choisi parce que c'est une place où ça a été tourné qui existe vraiment. Et les caractères religieux sont très présents là-bas. Puis la mentalité des gens sont un peu particulières. Ils ont comme pas évolué. Il n'y a pas beaucoup de technologie. Et il a voulu en créer son personnage là-dedans parce que le film va au départ, la manière que ça commence, on se dit que ça va faire un peu comme Ginger Snap. Il va utiliser le mythe du garou comme l'évolution du changement de la jeune fille à la femme avec le côté sexuel. Mais en fait, il va plus y aller avec un développement sur le féminisme puis l'indépendance, ce qui est vraiment intéressant, la manière qu'il va le faire dans son film, parce que la manière que les gens agissent là-bas, c'est comme si les femmes sont comme des monstres, sont comme vues avec frayeur. Et ces deux femmes-là, la fille et la mère, sont surtout vues de cette manière-là. Dès qu'ils marchent ensemble dans la ville, sont mal vues, sont regardées tout croche. Dès qu'arrivent des événements dramatiques, c'est tout le temps les premières personnes qui vont être pointées du doigt. Il va arriver des accident et le monde, c'est pas comme c'est pratiquement comme s'il arrivait avec des fourches puis des bâtons enflammés, comme si c'était Frankenstein. Puis il y a beaucoup d'allusions avec ça sur le personnage de Marie, justement, qu'on pourrait faire des liens avec le personnage de Frankenstein, puis que la femme est vue un peu comme un monstre là-bas, et que même son père qui tente de les protéger en les isolant le plus possible, justement, de cette ville-là qui a une mentalité assez différente, puis qui veut faire en sorte qu'ils ne soient jamais en danger. Il va les enfermer dans la maison, puis elle n'aura jamais une certaine liberté, même sa mère qui est en chaise roulante, elle ne sort pratiquement jamais de la maison, à part lorsque Marie décide de la sortir puis prendre des marches avec elle. Fait que c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et en fait, c'est un film qui va beaucoup miser sur son ambiance et ses thématiques et ses symboles. J'ai trouvé que c'était quand même bien fait, c'est assez subtil. Je vois mal les gens je me rappelle quand Mad Max avait sorti, qui chialait sur le fait que le film, c'était juste un film féministe, c'était de la crise de merde. Je comprends pas comment on peut, en fait, dire que c'est un défaut qu'un film soit féministe. Il y a peut-être des manières de l'aborder qui peuvent être agaçantes ou mal faites, mais je trouvais que Mad Max l'avait quand même bien fait, vu qu'il y avait peu de dialogue, puis ça misait beaucoup sur les regards. Puis One Animal's Dream fait la même chose. Il n'y a pas beaucoup de dialogue dans le film, mais les regards, les gestes vaut vraiment mille mots. Il y a vraiment beaucoup de symbolisme dans les agissements du personnage. C'est très riche dans sa première heure. Le film mise beaucoup là-dessus. J'ai vraiment bien aimé. L'aspect horrifique est moins présent, mais comme je dis, si vous avez apprécié Let the White One In, vous savez un peu dans quel style vous embarquez. Et je trouve ça bien de voir un peu le genre du film de loup-garou être traité d'une manière un peu plus film d'auteur et de manière un peu plus intelligente que juste une créature qui s'amuse à bouffer tout le monde dans les alentours puis à mettre le plus d'action et de sang possible. C'est vraiment loin d'être ça. On crée vraiment des personnages qui sont intéressants, qui ont des personnalités fortes et qui va au moins réussir à nous immerger dans l'histoire grâce à ça. Par contre, s'il y a un petit défaut que je reproche surtout au film, si la première heure marche en tant que film d'auteur, les dernières 20 minutes où que le réalisateur tente de changer de cap et d'y aller dans l'horreur à coup de grosses attaques de loup-garou puis de gore, je trouve qu'il fait un peu de manière garrochée. J'ai l'impression que son but au départ était vraiment de faire un film où que ça racontait quelque chose, puis de miser là-dessus, puis laisser l'horreur le plus de côté de possible, mais on dirait qu'il s'est senti obligé de veux pas, ça finit par arriver, puis ça doit éclater, mais il fait de manière tellement garrochée et de manière tellement pas passionnée comme sa première heure que ça tombe un peu à plat. Il y a plusieurs scènes d'attaque qui auraient pu vraiment être mémorables, des décors qui avaient vraiment le potentiel d'offrir des moments vraiment cultes, notamment sur un bateau en pleine mer avec une brume où tout l'équipage va être pogné avec la fille en pleine transformation, qui aurait pu vraiment être génial, mais c'est vraiment garroché. On a juste une scène d'égorgement à coup de 2-3 shots de manière vraiment rapide, puis on voit pratiquement rien. Fait que j'ai trouvé ça un peu dommage. Tant qu'à faire, je pense qu'il aurait peut-être dû laisser plus de côté, le côté horrifique. Ça aurait même pas dérangé, vu que le reste est tellement intéressant, puis que le film est tellement riche dans son scénario, que ça n'aurait même pas gêné de ne pas voir les attaques ou même la fille complètement transformée. Mais sinon, c'est un film que je recommande beaucoup si vous êtes amateur de ce genre-là. Je crois que ça va faire du bien au film de loup-garou, puis ça va redonner une bonne cote. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis c'est un film qui dure 1h25. Normalement, ce genre de film-là, ça dure 2 heures. C'est, des fois, ça laisse la sauce. Tandis que là, le réalisateur va direct du point A au point B avec les intérêts principaux, ce qui est vraiment important lorsqu'on écoute le film. Puis j'ai vraiment passé un bon moment, je me suis jamais emmerdé. Puis c'est vraiment un premier film intéressant venant de ce réalisateur-là qui a beaucoup de potentiel. Je sais pas si je l'ai manqué, mais Steven, avais-tu vu Late Phases? Oui, ouais, ben c'est ça. Comme je disais, c'était un des plus intéressants qu'on avait eu cette année, celui-là, que j'avais, qui était comme un espèce de mélange de Silver Bullet puis de Gran Torino avec Clint Eastwood. Là. Excuse-moi, j'étais absent. Ben, désolé. Tu l'as vu, celui-là? Late Phases? Oui. Oui. Très bien. L'avais-tu apprécié? Oui. Puis, Sinon, quelqu'un d'autre aurait vu le film? Non. Ça a pas l'air. Non, ben ça a l'air d'avoir passé inaperçu. Il y a juste une petite sortie en DVD il y a 2 semaines. C'est distribué par MO Picture. Il n'est même pas dans les clips vidéo. Là. Il n'y a même pas eu de traduction, mais vous pouvez le trouver au HMV pour comme 9,99. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine au vu de la qualité du film. Là. D'après moi, vous n'allez pas le regretter. Super, ben on va écouter ça. Alors, merci Steven, toujours aussi savoureux. Maintenant qu'on a écouté quelqu'un qu'on pourrait qualifier de petite fille, je dirais, pourquoi pas écouter, parler plutôt de l'opinion du film de GF. Oh, OK. Oui. Oui. Ben c'est ça, moi je suis resté dans le thème des petites filles vu qu'on allait parler plus tard de Final Girls. Fait que j'ai décidé de regarder un film qui s'appelle Little Girl Who Lives Down the Lane, 1976, parce que j'aime ça des fois, regarder des vieux films que je connais pas. Puis celui-là est coté comme un excellent trailer, c'est les critiques que j'avais entendu dire. Ça met en vedette Jodie Foster dans un de ses premiers rôles, mais il faut pas non plus, si on connaît un peu l'histoire de Jodie Foster, il faut pas non plus croire que c'est qu'elle en était à ses débuts parce qu'elle avait juste 13 ans dans ce film-là, mais elle faisait déjà des séries télé et des commerciaux depuis très longtemps. Elle a commencé dans le fond de sa mère, je pense, sa carrière. Ouais, c'est ça. Puis 76 reste encore sa plus grosse année parce qu'elle a eu 5 films sur cette année-là, dont entre autres Taxi Driver et Bugsy Malone qui ont été 2 grosses sorties aussi pour elle. Ce film-là raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit avec son père dans une maison au Maine. Mais on voit jamais son père. Puis les gens autour d'elle, surtout la propriétaire de la maison, puis son fils, qui est joué par Martin Sheen, sont un peu curieux et trouvent ça louche un peu qu'on voit jamais le père. Puis le père, c'est supposé être un poète réputé et tout ça, puis on le voit jamais. Il soit, elle dit tout le temps qu'il est en train de travailler dans son bureau, bien, qu'il est en train de dormir, bien, qu'il est en voyage à quelque part, mais on le voit jamais. Puis, à un moment donné, la madame, la propriétaire de la maison, va aller la visiter, puis... Elle va disparaître mystérieusement, puis les gens vont se poser de plus en plus de questions sur le personnage de Jodie Foster, qui est de plus en plus mystérieux. Et parce que je ne veux pas trop en révéler, parce que c'est un film qui est le fun de découvrir un peu au fur et à mesure. Il y a certaines ressemblances avec le film de Bad Seed, dont on a parlé il y a quelques mois de ça. Parce qu'on devine assez vite que c'est une fille qui a des agissements un peu louches et un peu pas catholiques et tout ça. Mais c'est différent de Batty dans le sens où on voit les choses de son point de vue à elle. C'est les adultes deviennent une menace là-dedans. Parce que dès la première scène, c'est entre elle puis Martin Sheen. Puis Martin Sheen, là-dedans, est encore plus écœurant que dans Dead Zone, qui était pour moi un de ses meilleurs rôles. Et là-dedans, il est encore plus haïssable. Il est vraiment creepy avec elle. Elle a juste 13 ans, puis il fait pas juste quasiment, mais il fait des avances dans la première scène. Puis il est vraiment creepy. Puis c'est ça, les adultes, à ses yeux à elle, puis de notre point de vue, nous autres, c'est quasiment toutes des menaces pour son train de vie, son bien-être. Puis c'est le fun parce que le film pose souvent la question à travers son personnage à elle. Elle pose souvent la question, c'est... Parce que les gens la prennent pas au sérieux, puis disent c'est juste une enfant, je peux-tu parler à ton père, tout ça. Puis elle va souvent demander à quel âge c'est qu'une personne devient. À quel âge qu'on prend au sérieux une personne, puis qu'elle devient quelqu'un qu'on écoute, ça, qui devient comme un adulte, dans le fond. Parce que là, j'ai 13 ans, mais je me débrouille moi là. Puis elle est tout le temps frustrée quand le monde commence à dire son âge et tout ça. Puis elle a regardé de haut. Puis c'est ça, elle développe une manière d'amitié avec un jeune homme qui est un magicien amateur qui va finir par, tomber un peu amoureux d'elle et tout ça, puis l'aider dans tout ce qui se passe dans le film. Encore là, je ne vais pas rien révéler. Puis ben, c'est ça, en gros, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça, l'ambiance est vraiment le fun, c'est un très bon suspense. Encore là, comme mon premier film, c'est pas un film avec beaucoup, beaucoup de surprises. On devine pas mal tout d'avance. Mais ça reste un trailer très, très bien fait, très compétent. Je trouve que la réalisation, sans être flashy, flashy en anglais, est efficace, c'est ça. Crée un bon suspense, puis ça garde l'attention tout le long. Puis la performance de Jodie Foster est incroyable. Là, pour une fille de 13 ans, là, elle est extraordinaire dans ce film-là. Elle est à la fois creepy puis attachante. Là, le dernier plan final, là, je sais que ça a donné des frissons à beaucoup de monde, mais c'est pas non plus des frissons à la... C'est pas Exorciste, c'est pas un film super épeurant, mais c'est des frissons de malaise, là, dans le fond. Et c'est ça, c'est un film qui peut créer certains malaises, mais c'est pas quelque chose... Il n'y a pas des gros retournements de situation, des grosses affaires qu'on retrouve de nos jours. Fait que le public moderne va être très... peut-être un peu déçu, comme je disais de mon premier film, parce que c'est sans grande surprise, mais je trouve que c'est extrêmement compétent, extrêmement bien fait, puis c'est un des bons suspens des années 70 qui est très peu connu. Il peut être trouvé sur un DVD sur Amazon américain, là, genre à 15$, mais il y a un Blu-ray qui s'en vient, je pense, l'année prochaine, en février, fait que attendez le Blu-ray ou le DVD qui s'en vient. Mais ça vaut la peine. Je trouve que ça vaut vraiment la peine si vous aimez ce genre de film-là. Puis les bonnes performances d'acteurs. Martin Sheen était écœurant. Jodie Foster était écœurante là-dedans. Puis si vous aimez ces acteurs-là, c'est vraiment un film à voir pour eux. Fait que c'est très recommandé de ma part. D'accord. Quelqu'un d'autre l'aurait vu par hasard? Ou je sens encore un autre nom général? Non, mais je l'ai ajouté à ma watchlist. Yes, moi aussi. Moi aussi. Ben super, quand même, au moins. C'est ça. Ça aura fait ça. Personne ne l'a vu encore, mais tout le monde le voit bientôt. Donc, merci, on jugera JF. Le pièce. Puis j'aime. Il y a un autre point que j'aime, c'est pas long, petite affaire de 2 secondes, mais ce que j'aime, c'est que on nous place dans une drôle de position en tant que spectateur à un moment donné, parce que c'est ça, tous les personnages adultes sont creepy. Puis moi, là, je le regarde en tant qu'adulte. En tant qu'enfant, je sais. En tant que jeune, mettons, adolescent, quand tu vois le film, je sais pas. Mais en tant qu'adulte, à un moment donné, je me sentais creepy aussi, parce qu'il y a une scène où on la voit de dos, où elle est sur le bord d'aller dans le lit avec son nouveau chum, puis elle se déshabille au complet. Puis tu sais que toi, tu sais que l'actrice, elle a 13 ans, puis on la voit se déshabiller au complet, puis à un moment donné, elle va fermer la lumière, puis on la voit de face après ça. Dans la pénombre, tu sais, puis tu trouves ça vraiment creepy. Tu es dans une position vraiment bizarre, toi, en tant qu'adulte. Tu trouves Martin Sheen vraiment dégueulasse, puis là, tu es mis dans cette position-là où tu es forcé de l'avoir nu, puis c'est vraiment bizarre comme situation. Puis je trouvais ça assez sournois du film, puis assez intéressant quand même, là, tu sais. Puis une dernière chose aussi, c'est que c'est un film que Jodie Foster apparemment n'aime pas, mais au-delà de ça, c'est parce qu'elle n'a pas aimé tourner elle a pas aimé cet aspect-là du film, mais moi je le recommande fortement, le film, pour c'est ça, pour les performances et tout ça. Bien, merci Jean-François. Mm-hmm. Maintenant, on est rendu au moment course contre la montre, parce qu'on va essayer d'avoir son opinion sur un deuxième sujet avant son coma éthylique. Alors, Vicky, d'autres choses à dire? Non, moi j'avais juste le sujet des séries télé, fait que je peux continuer à boire. Cool! J'ai pas porté attention! Alors, chance, c'est la dernière fois que je te donne l'animation. Ben, écoute, c'est ma première fois. Tant qu'on vierge, laisse-lui le temps. Ben, c'est ça. Tu sais, je co-anime d'habitude, je fais pas. Non, ça va me faire asseoir, ça par rapport. Donc... d'abord, je vais laisser la parole à mon bon ami Sylvain. Allez, la place est à toi. Ben, écoute, moi, ça va être assez rapide. Nous, dernièrement, à Horreur Web, au dernier podcast sur la gauche, on a fait un épisode sur Wes Craven, parce que Wes Craven est décédé récemment, puis on l'aime beaucoup. Puis moi, j'ai réalisé que honnêtement, j'aime vraiment beaucoup Wes Craven. J'ai eu beaucoup de peine quand il était mort. Puis, tu sais, quand on connaît quelqu'un un peu, puis que cette personne-là décède, on dit tout le temps, « Oh, je l'aimais bien, cette personne-là. » Tu sais, je l'avais un petit peu oublié, mais je l'aimais beaucoup. Puis c'est quand la personne meurt qu'on le réalise. Mais pour moi, c'est un peu ça, Wes Craven. Moi, je regrette que ce nom-là ne vienne pas rapidement dans ma tête quand on me demande qui sont mes réalisateurs préférés. Mm-hmm. C'est pas quelqu'un qui me vient en premier, puis pourtant, Dieu sait que je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a énormément influencé le cinéma et qui m'a énormément influencé moi. C'est quelqu'un qui fait du cinéma comme pas beaucoup de monde en font. Puis, ce que je remarquais dans le podcast qu'on a fait, c'est que tous les films de Wes Craven sont inégaux. Il y en a qui sont vraiment très bons, il y en a qui sont moins, il y en a qui sont peut-être presque pas. Mais il y a toujours quelque chose qui me plaît dans chacun de ces films. Il y a toujours un petit quelque chose qui va me plaire. Puis, je pense que j'ai... En tout cas, je disais ça. Je disais qu'il y avait un petit quelque chose qui me plaisait dans tous les films. Alors que dans les films de John Carpenter... la majorité sont bons, mais il y a toujours quelque chose que j'aime pas. Et on a un peu lancé le débat Wes Craven versus John Carpenter, le débat que tous les fans d'horreur ont. Puis moi, je suis vraiment team Craven. Mais je me suis dit, tiens, je vais donner sa chance à John Carpenter. Je vais regarder un de ses films que je n'ai jamais vu. Donc, j'ai vu Prince of Darkness. Et là, je réalise que j'aime pas ça. Je l'aime pas, John Carpenter. Il y a quelque chose qui m'aime. C'est ça que je disais, en fait, dans les films de Wes Craven, il y a toujours un petit quelque chose qui me plaît. Dans les films de John Carpenter, il y a toujours quelque chose qui me déplaît. Et je pense que ça a vraiment rapport avec les personnages. John Carpenter a une technique. Je pense qu'il sait vraiment comment réaliser des films. Je dis pas qu'il n'y a pas de talent. Je dis pas que ses films sont pas bons. Ses films ne me plaisent pas à moi. Ils viennent pas me toucher personnellement. Ils savent pas toucher mes cordes sensibles. Et je pense qu'une grande partie de ça, c'est les personnages. C'est vraiment j'ai vraiment du mal à m'attacher aux personnages qu'ils me présentent. Et donc, Prince of Darkness ne fait pas exception. Premièrement, vous raconter l'histoire de ça. Y a un tube avec quelque chose de fucké dedans qui, si ça se retrouve sur la terre, ça pourrait déclencher l'apocalypse. Ah, en tout cas, bref, c'est à chier. Ah non! C'est trop simpliste de dire juste ça, c'est à chier. Là. Ah, moi, là, j'ai tellement détesté ce film-là. Ah, mais écoute, je te comprends. Je te comprends. Merci! Est-ce que je me trompe en disant, Jeff, que tu m'avais déjà raconté que c'était un des films que tu avais préféré, qui t'avait fait le plus peur quand tu étais ado? Ou c'est quelqu'un d'autre? Je m'en souviens. Non, c'est sûrement pas moi. C'est quelqu'un d'autre, Colin. Tout ce que je me souviens du film, c'est qu'il y a Alice Cooper dedans, il me semble. Ouais. Puis j'ai vu ça peut-être à tard le soir à TV dans les années 80, je l'ai jamais revu. Ou c'est 90, je veux dire, mais je l'ai jamais revu. Caroline, je pensais que c'était toi, je voulais comme mettre le malaise. Hein. Non. Ouais, t'as mis le malaise pareil, mais pour d'autres raisons. Regarde, là, mon petit gars est plus sur mes genoux, là, je peux parler. Peut-être que je t'ai dit ça il y a 10 ans, j'avais un meilleur souvenir du film à ce moment-là, mais là, je m'en souviens vraiment plus. Tu vas être sous. C'est ça. C'est assez pénible à regarder. Il y a des scènes qui sont vraiment très mauvaises, là, du genre, il y a un gars qui est enfermé dans une pièce, qui a toujours des dialogues qui n'ont pas de bon sens. Ils disent, à un moment donné, les autres lui disent, garde un œil sur la femme qui est en train de se transformer. Puis lui, sa réponse, c'est, faut que j'aille aux toilettes. Il dit tout le temps des choses qui n'ont pas de bon sens. À un moment donné, il pète une crise. Là. Il fait « Venez me chercher. » Puis il balance les bras dans les airs. sérieusement, c'est... Puis je comprends pas le but. Puis je comprends pas c'est qui les personnages. Il y a des répliques qui sont vraiment risibles. Puis j'ai pas l'impression qu'elles sont volontairement risibles. Non seulement... Pour moi, Prince of Darkness, c'est pas seulement un... pas seulement un mauvais film de John Carpenter, c'est un mauvais film, point. Là, c'est vraiment comme une tache noire dans son résumé. Et sérieusement, puis en plus, j'ai lu sur IMDb que ça faisait partie d'une trilogie. Là. Apparemment, c'était comme The Thing, Prince of Darkness, puis In the Mouth of Madness. Puis... Ah, le lien est en quoi? En fait, c'est la trilogie. C'est meilleur. Non, c'est la trilogie de l'Apocalypse. De l'Apocalypse. De l'Apocalypse, OK. Ouais. Donc, c'est une trilogie, comment dire... T'as plus une question, parce que ça fait longtemps que je l'ai écouté, mais Prince of Darkness, c'est pas, comme tu dis, un tume qui vient, qui les rend démons, genre? Qui les rend, qui les possède un peu zombies, là? Ouais, c'est ça, ouais. OK. Fait comment l'alien de The Thing posséderait les zombies humains? Non, c'est le thème. Okay. C'est juste le thème, ouais. C'est juste le thème, OK. Je pensais que c'était comme les trois façons que l'apocalypse viendrait, puis je suis comme, ouais, mais ils vont se bouffer entre eux. Hey, tu mets les trois en même temps dans un film, puis ça marche fort, là. On est plus fort, nous autres, à la fin, par exemple. Non, mais In the Mouth of Madness, je pense que c'est probablement un de mes préférés. The Fog, j'avais beaucoup aimé aussi. Mais sinon, écoute, même The Thing, qui est un bon film que j'ai écouté avec toi, Steven, c'est un bon film, mais je suis incapable de m'attacher au personnage. Qui est The Thing? Je m'en fous, à la limite. Que ce soit un ou un autre, j'aurais pas de peine de voir un personnage que j'aime être cette chose ou mourir ou peu importe. Tu sais, je m'en fous de tous ces personnages-là. Là. Mais honnêtement, Sylvain, s'il y aurait un film de John Carpenter, faudrait que tu vois pour aimer les personnages qui sont facilement aimables, je te dirais d'écouter Big Trouble in Little China. Là. Ah ouais, c'est celui que j'ai pas vu. Je suis pas sûr que c'est Sylvain qui le convainc d'aimer John Carpenter. Là. C'est le genre de film que t'aimes parce que c'est du John Carpenter, si t'aimes ça. Non, mais en voulant plus dire que les personnages sont plus attachants, colorés et amusants que les autres dans ses autres films. Là. Je maintiens mon point, je pense pas que c'est... Je suis en train d'imaginer une sorte de mélange des trois films de la trilogie avec une créature difforme qui a la face à Alice Cooper qui fait du bicycle la nuit sur une route. Oh my God, Jeff est tellement un meilleur réalisateur que Carpenter en 2 secondes. Mon vrai. Dieu, mais j'ai non. Hérésie Quidge. Cujo, je pouvais le supporter, mais là, Vicky, tu dépasses les bornes. Non, mais pour vrai... Va juste voir la photo IMDb de Carpenter puis tu vas comprendre. C'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est imbu de lui-même puis je trouve que ça transparaît dans ses films, c'est tout. Je trouve qu'il se met lui-même en scène dans ses films. Je trouve qu'il fait « Ah, vous allez embarquer dans mon univers, peu importe, parce que je suis John Carpenter. » Je trouve qu'il s'en permet parce qu'il trouve que son nom a de l'importance. Mais c'est moi aussi, je suis un peu comme Sylvain dans le sens où Sylvain, lui, c'est ses personnages. Moi, c'est le réalisateur en lui-même. Je trouve que il manque... Non, c'est pas qu'il manque, c'est qu'il y a trop d'assurance, justement. Il manque un peu de recul. De modestie, merci. Je connais pas ce mot-là, je l'ai pas moi-même. Alors. Mais tu sais, je trouve que c'est ce qui manque dans ces films. Tu sais, moi aussi, Prince of Darkness, je pense qu'à un moment, je me mélangeais toujours entre deux personnages. Ça fait longtemps que je l'ai écouté, là, mais je me souviens qu'à un moment dans le film, j'ai fait, mais c'est lequel? C'est celui-là, je me souviens plus si c'est lui qui arrivait ça au début ou. Tu sais, il y avait vraiment deux personnages que je confondais totalement tout le long du film. Par manque d'intérêt total. Puis j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'il fait, vous allez me le pardonner, ça ne vous dérangera pas parce que c'est signé Carpenter. C'est l'impression qu'il m'a toujours donné ce réalisateur-là. Désolé. Puis tu sais, je vais dire quelque chose de gros, là, mais je l'ai déjà dit, puis je le répète ici, là, mais tu sais, Halloween, là, je l'apprécie pour ce qu'il a apporté, parce que s'il n'y avait pas eu d'Halloween, il n'y aurait pas eu Friday the 13th, puis il n'y aurait pas eu toutes les années 80. Mais, tu sais, Halloween, quand tu le regardes, là, Black Christmas, qui est venu avant, puis Texas Chainsaw Massacre, qui est venu avant, c'est deux films bien supérieurs. Là. Est-ce que tout le monde est en train de réfléchir à... Hein, ouais, mais je pense que personnellement, pour avoir regardé Halloween étant le premier film de la liste, donc je l'ai écouté le 1er octobre, je l'ai écouté avec mon copain qui, pour vrai, ne l'avait jamais vu, n'avait jamais vu Halloween, et ça l'a marqué encore, et ça l'a surpris, puis ça l'a intrigué, et j'ai l'impression, pour avoir vu Black Christmas, je lui prêterais Black Christmas, il serait pas autant accroché qu'Halloween. Moi, j'ai l'impression qu'Halloween va encore venir accrocher plus les gens que Black Christmas. Mais encore une fois, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis un peu auteur ou c'est peut-être parce que c'est juste la façon que je suis, mais encore une fois, les personnages de Halloween, je m'en calisse. Les personnages de Black Christmas sont vraiment attachants, là. Ah, là, par contre, je ne suis pas d'accord. Ah, tu vois, c'est drôle, hein? Mais tu vois, l'affaire avec Halloween versus Black Christmas, admettons qu'on regarde ce parallèle-là, ce qui va peut-être faire en sorte que c'est Halloween qui va rester dans l'imaginaire des gens, c'est que son boogeyman est beaucoup plus iconique, là, tu sais, je veux dire, visuellement et dans ses... On a un visuel, tout court. Déjà là, d'avoir un visuel, c'est ça qui va... C'est pas juste un œil. Ouais. Non, mais la voix est creepy en esti. Oui. Et tabarnak. Donc, c'est sûr que ça aide d'avoir un personnage qui visuellement est aussi. Moi, non, pour vrai, Laurie, je l'ai adorée dans Halloween. Puis elle m'a réécoute. Puis je sais pas ça fait combien de fois je l'écoute, mais à chaque fois, je m'attache vraiment beaucoup à elle. Je trouve qu'elle a plusieurs couches d'interprétation. Je trouve qu'elle est prise en plein de choses dans Halloween, pour vrai. Elle est présente. Est-ce que je veux vraiment m'occuper des enfants puis être une bonne personne responsable ou j'avoue que j'ai un kick sur je sais pas trop quel gars puis je vais aller à la danse avec lui? Je trouve qu'elle est présente tout le temps, plein de personnalités qu'elle aimerait être puis elle est pas capable de conjuguer avec toutes celles-là. Puis j'ai vraiment aimé ce personnage, moi, personnellement. Mais tu vois, je pensais à ça puis je pensais à, par exemple, Friday the 13th que j'adore, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Les personnages sont pas particulièrement développés, sont pas particulièrement intéressants, mais ce qui est intéressant du premier Friday the 13th, c'est que la Final Girl, contrairement à tous les autres slashers qu'on voit aujourd'hui, en fait, la Final Girl, c'est une fille parmi tant d'autres. Tu sais, on le sait même pas qu'elle va être la Final Girl avant la fin. OK, ouais. Tu sais, c'est... Puis, elle fume du pot, puis elle joue au strip Monopoly. Il y a rien qui indique qu'elle va s'en sortir, tu sais, plus que n'importe qui d'autre. Mais... En même temps, il y a quelque chose que je trouvais qui se dégageait de cette équipe-là, de cette gang-là, qui était peut-être plus intéressante, ou en tout cas, je sais pas. C'est une question de goût, comme tu disais aussi, puis surtout que tu n'accroches pas à l'univers de Carpenter. Je pense qu'un coup que tu n'accroches pas, oublie ça, tous ces films sont à peu près dans le même moule, fait que c'est sûr que tu n'accrocheras pas plus. Mm-hmm. Mais tu sais, je salue quand même son talent et sa technique et tout ça. C'est juste que je passe à côté. Quelqu'un d'autre qui est prêt à chier sur ce film-là? Sur le prince? Non. Prendre une gorgée de vin, attends un petit peu. Ah, puis by the way, le titre Prince of Darkness, je trouve qu'il est vraiment trop pété de brou pour ce que le film est. Mais c'est ça que je veux dire, il en met trop. Non, mais... Je parlais pas forcément du réalisateur, mais tu sais, c'est comme si j'appelais mon petit film indépendant et étudiant, je l'appelais genre le meilleur film de tous les temps, ou tu sais, je sais pas, la reine de la torture, ou tu sais, quelque chose de vraiment trop pour ce que mon film est, là. Je trouve que Prince of Darkness, c'est vraiment quasiment prétentieux pour ce film. Ben, ça se nomme surtout comme ça parce que ça mène vers Lucifer, là. C'est plus ça qu'autre chose. Ouais, mais... Alors voilà, c'est ça. Steven. Non, mais je pense honnêtement que si ça s'était appelé Lucifer 1987, ça aurait été beaucoup plus adéquat. Ton argument tient pas quand dans sa filmographie, au gars, il y a un film qui s'appelle La Chose. Tu sais, c'est même pas forcé à trouver un nom à sa chose, c'est juste comme ben, ça, là. Ben, ça, aussi, ça Day Live. Ouais, c'est ça. C'est qui ce D? Non, mais en fait, tu vois, ça, c'est justement des titres qui font très, très série B, justement, tu sais. Bon. Ouais. Bon, ben, si t'insistes, merci pareil, Sylvain. Là, je regarde mon menu, puis je me rends compte qu'il nous manque une bonne dose de vitamines de Lola et de Hey Hey! Alors, Sébastien, tu vas embarquer, vas-y. Là, je suis prêt, moi. Hey. Oh, ok, ben merci. Maintenant, Dominique, qu'est-ce que tu as vu? Ben, moi, j'ai pas vu The Final Girl. Moi, une seule fille, c'est pas suffisant. Alors, j'ai vu The Final Girls, de 2015 aussi. Ça peut devenir mélangeant. On l'a su même nous autres quand ça a été temps de dire quel film qu'on avait fait. J'avais dit, je vais parler de Final Girls. Et JF dit, je vais parler de Final Girls. Puis je fais, ouais, mais c'est moi qui en parle. Et là, ça en est suivi une chicane. On ne s'est pas parlé pendant 3 jours. Mais là, on est correct, je pense. Ouais. Ouais. hey, Final Girls. Qui est présentement disponible en demande, qui met en scène, on parlait tantôt de American Horror Story, qui met en scène Thaisa Farmiga. La sœur de l'autre. La sœur de l'autre, que j'ai su que c'est la sœur de l'autre, je ne savais même pas. Surtout quand tu vois la différence entre les deux. C'est réalisé par Todd Strasser-Schulson, mais lui, il a tout ce qu'il a réalisé, c'est Joyeux Noël, la Ronde des Coumards. Ce qui est totalement... On est ailleurs. Ben, en tout cas, je vais en parler tantôt. Là, je vais te couper. Vas-y. Final Girl, c'est The Last Action Hero rencontre Friday the 13th. Puis rencontre Back to the Future. Back to the Future un petit peu, c'est vrai. Ça raconte l'histoire du personnage de Thaisa Farmiga, dont la mère était une actrice qui avait joué... dans un slasher à l'époque, et sa mère est morte depuis. Et là, c'est comme l'anniversaire de la mort de sa mère. Donc, ils font une représentation spéciale des films dans lesquels elle a joué. Et pendant la présentation du premier film, il y a un incendie qui éclate de façon assez impromptue dans la salle de cinéma. Et pour se sauver, le personnage de Thaisa et ses amis vont rentrer dans l'écran. Mais plutôt que de se retrouver de l'autre côté de l'écran, ils vont se retrouver dans le film. Et là va arriver notre côté Last Action Hero, où on va s'amuser à rire un peu. Ben, pas rire, mais de mettre en évidence les... tous les clichés des films de slasher, Ah, t'es pardonné. Non, c'est bon, hein, c'est ça, je me suis comme rattrapé. Donc, tout ce qui caractérise ce style de film-là. Donc, nos personnages qui connaissent le type de film vont rencontrer les personnages du film. Puis ils vont essayer de se sortir de cette situation-là en voulant piéger le méchant. Et là, on pourrait vraiment s'attendre à une grosse comédie qui n'en finit plus. Parce que, bon, on a le personnage du colon dans le film qui fait juste faire des gros calls gras que je suis sûr que Dom a vraiment apprécié. On en parlera. On a aussi le personnage de la fille qui, elle, est dans le film juste pour se mettre nu et qui, effectivement, dans le film, va juste vouloir se mettre à nu. Puis ça va nous faire vraiment une grosse distanciation entre les personnages qui sont des vraies personnes puis les personnages qui sont les personnages du film. Et c'est là que je trouve que le scénario a bien réussi son coup. C'est il y a vraiment... focusé sur le développement de personnages des personnes réelles pour que les autres aient vraiment l'air clichés. C'est impossible de pas distinguer les deux types de personnages, à part peut-être le personnage de la mère qui est finalement pas la mère dans le film. Là, ça devient mêlant à raconter comme ça. C'est ça, ça... Il y a vraiment quoi d'habile qui a été fait du côté du scénario. Cependant, dans ce type de film-là, tout ce qui est un peu comédie, qui pastiche les films soit d'action ou des films d'horreur, on va s'attendre à du gros gore gras, des gros kills qui vont nous faire esclaffer. Et c'est peut-être ce qui manque le plus dans ce film-là. Même qu'il y a certains meurtres, certaines morts dans le film qui ont un potentiel incroyable. Puis quand tu les regardes, tu fais comme « Ah ouais, hop, ça tombe à plat un peu. » Je l'aurais vu beaucoup plus flamboyante. Mais pour moi, c'est peut-être... son plus gros défaut, mais peut-être aussi un de ses seuls défauts, parce que ce film-là est venu vraiment chercher, mais pas pour son humour, pas pour son gore, mais pour son drame. Parce qu'on a quand même l'histoire d'une fille qui rentre dans un film et rencontre un personnage joué par sa mère morte. Ce qui est complètement original. Là. Ça, c'était un élément dans le film qu'au début, je me disais, ah ouais, ils ont mis ça. C'est casse-gueule en esti. Parce que c'est pas. Ça sonne comme un élément de trop au début. On dirait que ça va être quelque chose qui va ralentir le rythme. Puis je me suis rendu compte que chaque scène qui met en scène ces deux personnages-là sont mes scènes préférées. Et jusqu'à la finale qui est venue me chercher. Puis j'avais carrément un moton. Ce film-là a pesé ses bons boutons au bon moment. Je l'ai écouté les deux fois en 2 jours. Ça a été un coup de cœur, mais ça n'a pas été un coup de cœur d'horreur, puis ça n'a pas été un coup de cœur de comédie, ça a été un coup de cœur dramatique. C'est ça qui est fou, parce que jamais le film est publicisé de cette façon-là. Puis j'ai l'impression que c'est pas ça que les autres vont avoir retenu. Peut-être que je me trompe, là. Mais honnêtement... Là, 2 semaines, je ne savais pas que ce film-là existait. Puis là, c'est rendu dans mon top 5 de les films que j'ai vus cette année. Donc, Final Girls, vraiment, ça a été pour moi une belle révélation. Puis je pense qu'il y en a plusieurs entre vous qui l'avaient vu. Moi, je suis tout à fait d'accord. Le moton, je l'ai eu 2 minutes après qu'il soit rentré dans le véhicule du faux film, là, tu sais, quand elle voit sa mère dans le derrière du véhicule, puis que sa mère la regarde, puis elle dit quelque chose dans le genre, c'est dur d'être loin de ses parents. Puis ça m'a tellement... j'ai failli brailler à ce moment-là. J'ai vraiment eu un gros frisson, là. Puis vers la fin du film aussi, puis toutes ces scènes-là. Puis il faut dire que Malin Ackerman, qui joue la mère, est vraiment géniale, là, dans ce film-là. Je l'adore. Elle joue d'une simplicité incroyable. Puis sa danse à la fin, là, est pas juste... C'est rempli d'émotions. Le visage qu'elle fait, là, c'est comme... Asti, c'est un tour de force d'actrice, ce moment-là. Là, jamais un striptease m'aurait fait autant pleurer ailleurs que du bas. La musique, la face qu'elle fait, tout, là, c'est wow. Parce que cette scène-là est crispant casse-gueule. Je veux dire, lis le scénario de cette scène-là, puis tu fais comme non, ça passera pas. C'est pas possible qu'on réussisse à amener cette scène-là où ce qu'elle doit aller. Puis bâtard, ils l'ont fait. Elle l'a amené de main de maître, puis de la réalisation à ce moment-là, puis la chanson, le choix de la chanson. Oui. Puis surtout, moi par la suite, Bette Davies, la chanson qui joue à ce moment-là, j'ai été lire un peu qu'est-ce que cette chanson-là racontait, puis c'est exactement ce que le personnage, la mère, exprime tout le long du film. C'est de devenir la femme forte et d'arrêter d'être quelqu'un qui est en second plan. Tu sais, c'est exactement ça. C'était merveilleux. Moi, mon gros défaut avec le film, c'est vraiment personnel. Là, c'est l'acteur Adam Devine là, qui joue Kurt dans le film, qui joue le moron. Parce que j'aime vraiment pas cet acteur-là. Dans les deux Pitch Perfect, je le déteste. Je l'avais jamais vu ailleurs que dans les deux Pitch Perfect. Là, je le retrouve dans ce film-là. Puis il joue le même style de personnage de con encore, qui fait les mêmes faces un peu, tu sais, un sous Jack Black ou je sais pas trop quoi, là, mais... Ouais, hein, on dirait un wannabe Jack Black. J'aime vraiment pas son type d'humour qui repose juste sur sur ses faces, puis son côté crasse un peu, puis tout, puis personnellement, moi, j'aime pas. Mais en même temps, le personnage, c'est ça, tu sais, ce cliché-là, il existe dans ces films-là, puis il est correct là, dans la manière qu'il fait, mais c'est juste que moi, j'aime pas sa face, j'aime pas son style à lui, mais c'est juste ça, là, tu sais. Mais le côté stéréotype est un peu gros aussi, tu sais, je veux croire que dans les slashers, il y a un personnage con, puis que la fille qui se dénue est niaiseuse, mais ils sont tellement gros dans The Final Girl, tu sais, la fille est plus que conne, celle qui se déshabille, elle agit vraiment comme une retardée à plusieurs reprises. Par moments, je trouvais que c'était peut-être un peu poussé. J'étais comme, OK, je sais que ces personnages-là, en temps normal, sont stupides, mais t'as pas besoin de mettre la sauce trop épaisse non plus. Là. Ça, je pense que c'était vraiment le côté comédie du film là, qui ressortait. Puis, comme je disais un peu tantôt, c'était vraiment pour que la distance. Comme la différence entre les vrais personnages et les personnages du film soit le plus marquant, afin que on se mélange pas, puis que. Ça fonctionne, mais oui, t'as raison. Il n'y a pas un film. Ces personnages-là n'existent pas pour vrai dans des slashers. Là, j'en ai jamais vu. Là, c'est vraiment des personnages de comédie. Puis tout le côté visuel du film est vraiment beau. Le film est très beau. Oui, la réalisation est incroyable. La finale, la grosse finale avec le monstre, oui. Le combat final est génial, premièrement. Puis visuellement, c'est super beau, je trouve. Oui, puis il y a certains moments de caméra qui sont vraiment intéressants. Les transitions au flashback aussi sont le fun. Puis, Oui, ah oui, oui, oui, oui, oui, vraiment. Il y a vraiment des bonnes idées, des très, très bonnes idées dans ce film-là. Qui sont vraiment déstabilisantes, tu sais, par moment. Au début, j'étais comme, on dirait quasiment du Sam Raimi 2.0, mais qui tente des choses qu'on n'a jamais vues. Comme au départ, juste quand la mère s'en va en voiture avec sa fille, la caméra va coller rapidement, de manière rapide, derrière la voiture, comme dans un jeu vidéo, puis elle va juste la suivre, puis c'est cool, j'étais comme... Hein, l'effet est vraiment bizarre parce qu'on a rarement vu ça. Puis le réalisateur essaie toutes sortes de trucs comme ça tout le long du film. Oui, vraiment. Puis je sais pas si c'est une référence à Last Action Hero, parce que dans Last Action Hero, il y a, au début du film, on voit une scène où ce que j'essaie de me rappeler, là, où ce que Schwarzenegger combat le méchant, puis ils sont sur un toit, tout ça, puis il y a un enfant qui est prisonnier. Puis le méchant va y lancer genre une arme, puis chose, il va se pencher par en arrière, puis il va l'éviter de peu, là, quelque chose comme, ou le contraire, je me souviens plus. Ah, mais, c'est ça. Mais il arrive un peu la même chose dans le combat final avec le méchant qui va lancer sa machette. Puis, tu vois plus ça, ce genre d'effet-là, depuis The Matrix. Il y a eu plusieurs films qui ont copié ça pendant un bout de temps, puis tu vois plus ça maintenant. Mais je me suis dit, si je me demande si c'est pas un petit clin d'œil à Last Action Hero, mais c'est vraiment très subtil. Là, c'est vrai. Mais, toi, Dom, tu l'avais vu, oui? Oui, je l'ai vu. On a fait un podcast récemment sur ce film-là qui va être disponible bientôt. Je parle de vos avis aussi. Moi, je trouve que les deux plus grandes forces là-dedans, c'est le scénario côté relation mère-fille qui est extrêmement touchant. Avec les deux actrices qui sont écœurantes, Tessa Farmiga, moi, je l'adore, cette actrice-là. Elle est vraiment talentueuse au bout. Et j'aimais surtout ces moments-là où est-ce qu'elles sont souvent seules, comme une scène où est-ce qu'elles sont en dessous d'un arbre, sont assises, puis ils se parlent. Et là, tu vois les sentiments de la fille qui regarde sa mère, mais que c'est pas sa mère, puis sa mère qui la regarde, puis que peut-être qu'elle a comme un écho de ce qu'elle devrait ressentir, puis elle aime, mais elle sait pas pourquoi. Pis c'est vraiment weird, mais c'est beaucoup très touchant. Et sa réalisation qui est écœurante. Moi aussi, il y a des moments, comme Steven parlait, tu sais, dès le début, avec la caméra qui se colle à la voiture. Mais moi, ce que j'ai vraiment capoté, c'est lorsque ils font le moment home alone du film, où c'est là, plein de pièges. Il y a la caméra qui flippe de haut en bas, pour ça, de gauche à droite, puis qui reflippe. Super inventif. Tu as un autre moment où est-ce que la caméra va tourner trois fois sur elle-même pour montrer qu'il y a un loop temporel qui se passe parce que les jeunes veulent se pousser, mais ils se poussent dans le vide, mais ils reviennent au début du film parce qu'ils peuvent pas se pousser. Et moi, ma scène préférée, et c'est là que, quand je l'ai vu, j'y ai pas pensé, mais c'est quand Danny, mon co-animateur, m'a dit « C'est le gars qui a fait Harold et Kumar, Fête Noël. » Je fais comme « Ah, tu sais, il y a une scène pareille dans ce film-là. Okay. » Après le moment Home Alone, t'as les trois personnages qui restent, qui vont courir au ralenti. Mais comme là que c'est filmé, c'est vraiment c'est super léché, comment ils courent au ralenti, avec les cheveux qui volent, puis la grosse musique, puis c'est quasiment une toile que tu vois. Et dans Harold et Kumar, Fête Noël, il y a une scène pareille où est-ce que là, t'as les personnages qui font sauter un sac de coke, puis t'as la coke qui descend, comme si c'était de la neige, vu que c'est Noël, puis là, ils sont au ralenti là-dedans, dans la grosse coke, puis ça me faisait penser à... C'est le même genre de scène réalisée, là. C'était génial. Et t'as le combat final qui est filmé, encore là, on dirait une toile avec l'espèce de ciel rouge, mauve, avec des éclairs. C'est super beau visuellement. Le gars, visuellement, il a beaucoup de talent, puis j'espère qu'il va continuer dans cette veine-là et tout ça. Mais c'est vrai que le scénario est un peu faible niveau côté slasher. Et tantôt, tu disais, ça va être mon genre d'humour, parce que j'aime ça l'humour gros, immature, mais oui, j'ai ri, mais comme j'ai déjà dit, c'est pas parce que je la ris que je l'aime. C'est-à-dire que dans un autre film, ça aurait été écœurant, mais je trouvais que ça fitait mal dans ce film-là à cause de tout l'aspect sérieux et dramatique entre la mère et la fille. Fait que oui, le but, c'était de montrer une différence, parce que même dans le film, ils disent le film Camp Bloodbath, c'est une série B, quasiment une série Z. Là, puis tu le vois de par ses personnages extrêmement gras. Je comprends, mais je trouvais que ça fitait pas. Le film a des moments d'humour drôle qui marchent, mais peut-être moins ça. Mais écoute, moi, je me sauve un gars qui je vais fourrer des filles. Moi, ça me fait rire, là, je m'excuse, mais ça fitait mal dans ce film-là. N'empêche que c'est ça. Il y a beaucoup de qualités, quelques défauts un peu plates. Ce qu'en font un excellent. Ben, pas un excellent film. J'ai bien aimé ça. J'hésite toujours entre le 3 et 3.5 sur 5, mais c'est peut-être pas mon top 5 de l'année. Même si j'ai vraiment été surpris et que j'ai été agréablement diverti par ce film-là, mais il manque quelque chose. Pas de la faute du réalisateur, c'est dans le scénario. Si ça aurait été pas juste un bon drame où qu'on aime les personnages, mais que ça aurait été un excellent slasher qui aurait été traité avec un peu plus de qualité, ça aurait été vraiment un grand film. Mais non, là-dessus, à chaque fois que le tueur il est là, ça tombe à plat. Le tueur il est plate, les scènes manquent de mordant. Même son masque, il est laid. T'sais, je veux dire, j'ai pas aimé son masque, j'aimais pas son histoire. Puis c'est les moments que je trouvais les moins intéressants que lorsqu'on est avec justement la fée ou lorsqu'il tente de découvrir comment sortir du film ou le truc temporel quand il tourne en 360, comme tu disais, Dom. Mais dès que le tueur est là, à part le combat final, je trouve que c'est plate parce que j'ai l'impression que le réalisateur il a mis moins d'efforts que dans tout le reste, comme si ça le passionnait moins. Le tueur du slasher, c'est un personnage tertiaire, là, pas un secondaire ou principal comme dans un vrai slasher. Il est là pour faire avancer les choses. Mais on s'en fout. Là. Lui, tu sais, même son flashback, son histoire, c'est un gars qui a été brûlé au troisième degré par des pétards. Tu comprends tout de suite que ça n'a pas d'allure. Là. Mm-hmm. Mais moi, je pense que ça aurait été un slasher, ça aurait été mauvais. Premièrement, je ne suis pas un fan de slasher tant que ça. Puis je pense que l'aspect slasher, c'était le moins bien réussi. Là. C'est vraiment, moi, je pense que c'est le mix des deux, de côté dramatique, côté slasher, poussé à l'extrême qui fonctionne bien. Mais un sans l'autre, ça aurait peut-être pas été aussi bon, je pense. Puis, ça, Sylvain, tu l'as-tu vu? Vas-y. Non, moi, je vous écoute d'une oreille très distraite depuis tout à l'heure parce que j'étais censé le voir pour le podcast. C'est sorti seulement sur iTunes, je pense. Puis le DVD, moi, j'achète encore les DVD. Puis ce film-là, je sais que je le voulais sur DVD. Fait que je vais attendre au début du mois de novembre, je pense qu'il sort. Donc voilà, je vais le voir à ce moment-là. Mais bref, prenez pas mal, là, mais je vous écoutais presque pas. C'est bon. Mais je voulais juste rajouter que j'aime beaucoup la fin, mais je veux pas voir de suite. Non. Parce que la mère sera pas dans la suite, puis je veux pas ça. Ça serait la pire erreur. Là. Ça serait de pas comprendre. Non. Ça serait de pas avoir compris qu'est-ce que c'était ce film-là, finalement. Mm-hmm. Ouais, d'en faire une suite. Tout à fait d'accord. Déjà que la finale est amusante, mais t'es comme « Ah ouais, bon, ok. » c'est vrai que c'est un peu comme Out of Nowhere. Ben, ça fait penser, tu sais, c'est ça. C'est un petit clin d'œil peut-être à Halloween, des trucs comme ça, Halloween 2 qui se passe dans l'hôpital, des trucs comme ça. C'est correct. Bon, ça m'a fait sourire, mais je veux pas voir de suite de ça. Non. Ben, merci Sébastien. Bon, bien, maintenant on est rendu peut-être à un petit amuse-gueule. Alors, on va écouter une petite chanson avant de terminer le podcast que vous écoutez présentement. Alors, Sylvain, présente ta toune. Ben, t'avais choisi une toune de fourrage, donc j'y vais dans le même thème, mais moi j'ai choisi Grease 2, Reproduction, amusez-vous. The parts of a flower are so constructed that very, very often the wind will cause pollination. If not, then a bee or any other nectar-gathering creature can create the same situation. Yes, anything that gets the pollen to the pistils right on the list. I'll try to make it crystal clear. The flower's insatiable passion turns its life into a circus of debauchery. Now you see just how the stamen gets its lusty dust onto the stigma, and why this frenzied chlorophyllous orgy starchy spring is no enigma. We call this quest for satisfaction of what class? A photoperiodic reaction. Oh, that's good. Oh, that's very good. Hey, I'm lost. Where are we? Chapter 2. Page 5. Reproduction. I don't think they even know what a pistol is. I got your pistol right here. Where does the pollen go? Next chapter. In an abstract exact way, the same thing applies to the reproductive organs of the more complex life forms. But now we are dealing with sexual response. Are there any questions before we begin reading? Is it possible the female member of some sex on a couch could, like, get this guy all hot and she never even knew it? When a warm-blooded mammal in a tight little sweater starts pulling that stuff, she's saying that she wants to do it. Can't prove it by me, 'cause they change the tune when you got them in the backseat. With his heart beating fast, they make it sound like a track being gross. Yeah, and all they can do is say na na na na na na na na. Reproduction, reproduction, baby, give it to me now. Reproduction. Number of offspring. Any comments on this? Mr. Stewart, is it true that guys like you, you know, mature and all, carry some protection with them for sexual occasion? What's the big deal? Can a girl just do that thing in a book where she adds up the days of her, what do you call it, the menstruation? Oh, that's really neat. Yeah, and what if the guys say the numbers don't add up right, huh? Reproduction. Reproduction. Hubby's proud of what he's done. Reproduction. Reproduction. He was only poking fun. Reproduction. See what happens when a boy and girl don't know how to play it safe. Hey, merci Dominique d'avoir repris les rênes pendant que je prenais mon fils. Et, plaisir, l'inverse aurait été malaisant. Oui, c'est ça que tu as pris mon fils pendant que c'était le fun. C'est le fun. Ça, là, ça c'est le genre de mix qu'on aime. Puis j'espère que nos. Les auditeurs, autant de votre podcast que du nôtre, auront apprécié l'exercice parce que moi, je pense que c'est le genre de truc qui pourra revenir de temps en temps avec d'autres formes peut-être. Et là-dessus, je pense qu'on avait quand même fait le tour. Les gars, rappelez-nous quand même votre podcast là, pour ceux qui vous connaissent vraiment pas puis que là, ils vous ont entendu puis ont fait hey, « on les aime, eux autres, on veut en entendre plus ». Ben oui, donc nous, moi et Sylvain, on fait partie du dernier podcast sur la gauche, le podcast officiel du site horrorweb.com. C'est horrorweb qui est présent depuis, mais je crois en octobre ce mois-ci, 11 ans. 11 ans de nouvelles et de critiques de films d'horreur québécoises. Ben, les critiques en québécoise pour les films, là. Sur Internet, et maintenant, près de 190 épisodes de notre podcast. Le dernier podcast sur la gauche. Donc, si vous nous aimez, horreur-web.com, les amis. Puis si vous ne nous aimez pas, ben, c'est ça, là. Pourquoi tu fais là? Ben, c'est triste, là, si vous n'aimez pas. Non, ben, effectivement, écoute, on a. Il n'y a pas juste des cabochons comme moi, là. Comme vous avez vu, il y a quelqu'un de plus posé, de plus réfléchi comme Sylvain. Il y a des passionnés comme mon co-animateur Danny Champagne, qui est la Bible de l'horreur ici. T'as d'autres connaisseurs comme Marc-Antoine, t'as des invités. On a d'ailleurs déjà reçu justement Sébastien dans un autre show. Et tout ça. Et donc, non, c'est. Le dernier podcast sur la gauche est plus que des jokes de ploune que je fais depuis tantôt, là. C'est beaucoup plus. Et oui, puis écoute, juste pour les top alternatives de Danny, ça fait mal à son Amazon.ca, ça. Oui, bon, ouais. Je pense que t'es fixé, là. Yes. Sylvain, le septième démenti, pour ceux qui ne connaissent pas. Le Septième Démenti, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un show sur YouTube. Vous tapez Le Septième Démenti ou mon nom, Sylvain Démenti, et vous allez le trouver. C'est un show sur le cinéma où je parle de films. J'essaie parfois d'être sérieux, mais la plupart du temps, c'est avec beaucoup d'humour. Donc, voilà. Cool. Puis je pense des fois, tu as des invités qui sont quand même cool. Parfois, à l'occasion, ouais. Et j'ai tout plein de projets en l'air avec tout plein de monde. C'est le temps qui manque, mais les projets sont là et les gens intéressants aussi. Yes! Les gars, bras de fer? Ah oui, c'est vrai, tu parlais de ça parce que tu étais dedans. Je viens catcher. C'est bien correct. Les gars, bras de fer? Nous autres, ben, on se connaît, on n'arrête pas d'en parler à chaque... Hein? Vous attendez Jem? On attend Jem, bien sûr. Sinon, les autres épisodes qu'on a, on est rendu à 46, 47, un peu comme dans comme Horror Gamer. C'est brasfairedesfilms.com, puis tout est là. Puis c'est ça, ça s'en vient bientôt, Jem. Excellent. Vicky, tu nous finis les comptes rendus du 31 jours d'horreur? Oui, toujours sur J'ai mis du gras partout sur mon écran. Vous pouvez trouver les comptes rendus, les critiques et les analyses. Sur les films, j'y vais à coup de 3 films. Cool. Puis, je vous rappelle les 31 jours d'horreur par là-dessus. Allez voir la page d'événements, commentez, écoutez des films. Et n'oubliez pas, on va avoir notre concours HMV pour les deux certificats cadeaux de 25$ pour nos auditeurs canadiens et ceux qui auront participé à l'événement. Et je pense que là-dessus, on va se laisser avec la chanson qui nous aura fait, qui nous aura donné un petit moton dans Final Girls. Et il s'agit de Betty Davis. Merci. Ça t'aura pris jusqu'à la fin. Hey, gardez ça horreur. Is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. Tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home, with her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. Knows you when she snows you off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, Betty Davis. I